tous les soirs. Plus de liberté. Loving Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Loving Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Loving Fun. Le best-of. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous. Bonsoir les amis, soyez tous les bienvenus sur Fun Radio. Oui, on est heureux. On est heureux d'être avec vous et de passer voilà une semaine de best-of avec les meilleurs moments de Love in Fun avec toute l'équipe. Bien sûr, je m'appelle Karel. Bonsoir Doc. Hello. T'as été gâté pour Noël, Doc? Oui. Hein, t'as toujours pas revendu tes cadeaux? Ah bah non. D'accord. J'y suis. Je suis dans le cadeau. En ce moment, Doc est dans son cadeau. J'aime autant vous dire que je préfère pas vous dire ce que c'est. Hein. Et moi, le cadeau est en moi. Oh et ouais. Toi, t'as eu un œuf vibrant pour Exactement. Noël. C'est vrai, mais qui a la télécommande? Ouais. Hein, parce que c'est je la rappelle, question. Hein, eh bien voilà. Eh ben, je peux vous dire que ma poche est très grosse parce qu'il y a une grosse télécommande. Moi aussi, j'ai été gâté pour Noël et j'ai une télécommande universelle qui peut piloter ton Godmichel. Ah bah super. Ah mais non, pas du tout. Pas du tout. Et ben moi, je remercie toutes les personnes qui m'ont offert des cadeaux de Noël. Ils étaient deux cette année. Oh non, arrête, mais quel gros mytho. Non, c'est pas vrai. On va le faire. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous ce soir. Notre cadeau de Noël, c'est de vous offrir le meilleur de Love in Fun. Voilà, on a une grosse pensée à vous tous, avec vous tous, vous toutes. Et j'espère que vous allez bien kiffer justement l'émission qu'on vous a réservée là ce soir. On va se faire plaisir. On est mercredi soir, 22h minuit, et on va commencer avec Adrien. Adrien, il a 22 ans et il nous avait appelé parce qu'il avait grillé son père en train de se masturber. Ça a été énorme, franchement, parce qu'on a eu le papa au téléphone. Il y a eu la confrontation Adrien et son père. Papa, je t'ai vu, t'étais en train de te branler. Tour de cyclisme, en plus. Et oui, devant plus, les vélos. Ah oui, c'est vrai qu'il a regardé une émission de cyclisme. Donc, il s'est passé plein de choses. On attaque, c'est le meilleur de Love in Fun. C'est le best-of jusqu'à minuit. De 22h à minuit, le meilleur de Love in Fun sur Fun Radio. Bonsoir Adrien. Bonsoir l'équipe, salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Bonsoir Adrien, je te présente Dylan, notre auditeur du soir. Bonsoir Dylan. Bonsoir Adrien. Voilà. Bonsoir. Un petit bisou et tout. Et Adrien, ce soir, quelle est la raison pour laquelle tu as composé notre numéro de téléphone? Alors aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de, bon pas de grave, mais quelque chose de surprenant. Oui. Donc j'étais avec mon copain Maxime, voilà. Oui. Et je voulais aller chez moi chercher à manger et à boire parce qu'on avait un petit creux, enfin on avait soif tout ça, donc j'étais chez moi. Oui. Et j'ai ouvert la porte, en fait je suis rentré et qui je vois mon père dans le canapé en train de se masturber en fait. Ah ouais. Oh le choc. Et au moment où je suis arrivé en fait il est en train de se masturber en fait. De se pougner quoi. Voilà, c'est ça. Et quand je suis rentré, il a vite remis la couverture. Tu m'aides? Il avait oublié le horrible. Il avait oublié de cacher le sopalin parce que le sopalin était sur la couverture, donc je l'avais vu. Et donc du coup, j'ai fait style de rien. J'ai pris à manger et à boire. Je suis reparti. Et on voyait qu'il était tout rouge, tout ça. Et voilà. Attends, il se branlait devant quoi, Adrien? Ben, j'ai regardé un peu à la télé et c'était le cycliste. C'était quoi? Le vélo. C'était du vélo. Ah, le petit short moulant. Ah, putain. Ça. Les petites combinaisons bien sexistes. Ça, le mec, il se branle devant le Tour de France, tu sais. C'est énorme. Ah, c'est bon, ça. Et, voilà. D'accord. Faudrait peut-être qu'il appelle ton père, non? Ah, ouais. Donc, j'étais un peu, voilà. Non, mais attends, Adrien, t'as été gêné, tu sais pas trop comment réagir en fait, c'est ça? Je savais plus, je savais pas comment lui dire, enfin même quand je suis revenu tout à l'heure, je voulais lui dire, mais j'avais même peur de rentrer chez moi quand je me disais, peut-être qu'il va me poser la question, savoir si je l'ai vu, donc je savais pas trop comment lui dire que je l'ai remarqué en fait, que je l'ai vu en fait. Ah, t'as deux solutions, hein, soit tu lui dis, soit tu lui dis pas. Hein. Oui, moi je pense que j'allais lui dire, mais de toute façon maintenant. Ah voilà, moi j'ai vraiment envie de savoir quoi. Après, envie de savoir quoi, c'est pas, en même temps c'est pas grave. Bah pourquoi il se branle Ah, mais pourquoi? Parce qu'il a envie. Devant le cycliste, quoi. Enfin, ah, c'est ça la question. C'est ça, ouais. Il a ma mère quand même. Il a ma mère quand même. Alors, je sais pas si ça des filles sont des hommes, après ça, j'en sais rien, mais. Peut-être. Bah, c'est pas parce que t'es en couple, et même dans un couple heureux où ça se passe bien et qu'au lit c'est génial, qu'à côté tu te masturbes pas, hein. C'est une autre fonction, et c'est très bien aussi de se faire plaisir tout seul dans son coin, c'est pas un problème. Absolument. Voilà. Après, devant du cyclisme, c'est autre chose. C'est oui, non, mais voilà. Après, ça se trouve, il matait juste la télé, et puis à un moment donné, il s'est excité. Ouais, c'est plus ça, quoi. Je pense que ça a pas. Tu sais, on peut se masturber sans regarder quoi que ce soit, hein. Juste avec les fantasmes, ça suffit. Et puis peut-être qu'il regardait autre chose sur son téléphone que lui, il a caché, ou peut-être qu'il était sur une autre chaîne et qu'il a zappé quand t'es rentré. Bon, tout ça, tu peux pas savoir. Après, moi, je pense qu'il faut en avoir le cœur net, il faut qu'on lui demande. Grave. Non. Adrien, vas-y, on appelle ton père. Ça marche, pas de soucis. Oh, Adrien. Mais non, Adrien, c'est vrai. Tu veux l'appeler? Enfin, on fout. 22h, minuit. Love. Love. In fun. Le best-of. Bonne soirée tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous. On revient dans un instant sur Fun Radio avec Adrien. Adrien, après avoir lui donné des conseils, forcément, on a appelé son papa en direct et on lui a tout dit. Alors, il y a une histoire de cyclisme, restez avec nous, parce que c'est juste énorme ce qui s'est passé sur Fun Radio. À tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Love Fun. Ce soir, dès minuit, it's time to party fun. On vous donne rendez-vous tous les soirs pendant les vacances sur Fun Radio. Finissez l'année avec les meilleurs DJ. Tous les soirs dès minuit, l'émission de référence Dance Electro, c'est Party of Fun. Et ce soir, à minuit, Niels Van Zandt, en DJ set sur Fun Radio. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah, ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah, bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah, c'est toi, Adrien. Ah, cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Restez connectés avec la famille Fun Radio. 22h à minuit, le meilleur de Love in Fun sur Fun Radio. Je pense qu'il faut en avoir le cœur net, il faut qu'on lui demande. Grave. Adrien, vas-y, on appelle ton père. Ça marche, pas de soucis. Oh, Adrien. Mais non, Adrien, c'est vrai. Tu veux l'appeler? Enfin, on fout, hein. Bon. Est-ce que tu veux lui en parler? C'est surtout ça, si tu oui, veux lui en parler. Moi, je vais lui dire. Enfin, je vais. Alors, sois rassuré quand même, encore une fois, Adrien. J'ai l'impression que t'es choqué par ça, mais il n'y a pas de choc, quoi. C'est la vie. Mm. On te laisse lui parler, du coup. Ça roule. Dites-nous ce que vous en pensez sur. Allô? Allô, papa? Ouais. Ouais, ça dérange pas? Non, pourquoi tu m'appelles en privé? Je t'appelle en privé parce que voilà, je me suis trompé de numéro, à mon avis. Je t'appelle parce qu'en fait, tout à l'heure, quand je suis venu à la maison avec Maxime, tu sais. Ouais. Et ben, je suis rentré et je pense que t'es en train de. De faire être le garçon, quoi. Et ça m'a un peu. Tout à l'heure, quand je suis rentré à la maison. Ouais. Quand j'ai voulu chercher à boire et à manger, là. Quand je t'ai dit, et en fait, quand je suis arrivé, t'étais en train de te branler, quoi. Non? Ouais. Et alors? Et donc, du coup, j'étais un peu choqué, quoi, tu vois. Excuse-moi, mais. T'arrives, là, j'ouvre la porte et tout, et je te vois en train de te masturber sur toi en bas, quoi. Ouais, en même temps, d'habitude, tu rentres jamais à la maison. Ouais, mais là, je suis rentré. La prochaine fois, t'as qu'à prévenir quand tu rentres à la maison. Moi, la porte, elle est ouverte, donc je rentre, quoi. Ouais, d'habitude, tu préviens, tu rentres jamais. Ouais, je rentre jamais parce que je suis reparti. Mais là, ça me semblait... Enfin, je suis rentré et je te vois là, donc forcément, ça m'a un peu encore perturbé. Encore ce soir, on a mangé, t'es même pas là. Bah ouais, après, je suis jeune, donc je balade, quoi. Ouais, bah ouais. Il y a jeune, quoi. Et pourquoi je t'ai branlé devant le cycliste? Le cycliste, on est... De quoi? J'ai branlé devant le. J'ai regardé vite fait la télé, c'était les vélos. Donc ça m'a un peu perturbé, tu vois. Par rapport à quoi? Mais t'es obligé de regarder quelque chose, toi, quand tu te branles? Je vois pas ce qui te choque là-dedans, je vois pas pourquoi tu m'appelles. Enfin, on peut en parler quand tu rentres à la maison, enfin, je sais pas, mais. Mais ouais, mais c'est plus compliqué dans le. C'est plus facile au téléphone, ouais. C'est plus facile au téléphone quand t'es avec ta bande de copains, ouais. Non, c'est tout ça, non. Mais oui. Et j'allais pas en parler non plus. Oui, bien sûr, tu sors tout seul, oui, c'est ça. Tu vas pas croire ça, moi, quoi. Je suis avec des amis, mais je me suis fixé. Enfin, voilà, c'est pour ça que je vais t'appeler pour en parler. Oui, tu vas pas me le faire croire, moi, Adrien, s'il te plaît. Bah, si. Tout le temps, on a parlé à tes potes, machin truc. Tes potes, ils ont dit, vas-y, appelle, il faut que tu le saches, machin truc. Et puis là, tes potes, ils sont bien derrière. Donc voilà. C'est quoi, ça sert à rien qu'on en parle. On en parlera à la maison, de toute façon, je vais raconter, ça sert à rien. Je peux te dire quelque chose. Ouais. Bah, en fait, j'ai appelé la radio. T'as appelé quoi? Bon, ouais, bah laisse tomber. Hein? Bah laisse tomber, c'est tout. Tu ne veux pas m'écouter, c'est tout. Bah si, vas-y, je t'écoute. Bon, maintenant, de toute façon, on y est. Alors, Bah non, en fait, c'était... Parce que de toute façon, tu rentreras pas ce soir, donc autant que je t'écoute. Ouais, bah c'est tout. Moi, j'étais quand même en train de te... Ouais, c'est tout, j'étais quand même en train de te... Et alors, tu dis que... Bah, c'est que tu fasses ça et que, voilà, enfin, je veux dire... Quand t'entends pas, peut-être? Quand tu fais une cam avec ton mec, tu crois qu'on t'entend pas? La prochaine fois, mets des écouteurs, hein. Bah, écoute, moi, ça m'a perturbé, donc voilà, je t'ai dit, je t'appelle. Bah ouais, bah j'osais pas te le dire en face, donc je prends... Bien sûr, mais bonsoir le papa d'Adrien, bonsoir, mais il n'y a rien de grave là-dedans. Mais non, c'est ce qu'on t'a dit, bonsoir le papa d'Adrien. Alors, je suis Karel. Ouais, peut-être un ami Adrien, mais ouais, je sais pas qui un c'est. Bon ami. Bah, je suis un pote à Adrien, et en fait, il m'a appelé ce soir pour me dire, voilà, j'ai vu mon père et tout, il est en train de se masturber. Et je lui ai dit, mais c'est pas grave, ça veut dire que ton père, il prend du plaisir de temps en temps, et petits plaisirs comme ça. Qu'est-ce qu'il vous a appelé? Bah, je sais pas combien de potes il a dû appeler, alors, hein. On est plusieurs. On est plusieurs, je sais que, voilà, une autre copine d'Adrien, Alice, et un autre copain qui est également médecin sexologue. Salut. Voilà. dans une émission de radio, mais on s'en fout. Oui, ça c'est Love in Fun. Ah, voilà, c'est un petit détail. Mais tout le monde est anonyme. Oui, un petit détail. Ouais, ça veut dire que je suis en train de passer à la radio pour un con. Mais pas ah bah du non. Tout. Non. C'est Adrien qui a été choqué pour rien. C'est Adrien qui nous a appelé et qui nous a dit voilà, je suis choqué. Je suis perturbé. Alors nous, on lui a expliqué que voilà, il y en avait plein. Oui, qu'il n'y a pas de mal à ça, que c'est totalement normal, qu'il ne faut pas s'inquiéter, enfin, qu'il n'y a pas de quoi être choqué. Voilà. Bien sûr. Je suis vraiment obligé de passer à la radio pour ça, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il y a des limites, quoi. Ah, et c'est Adrien qui tenait vraiment à s'expliquer avec vous. Il n'osait pas en parler, quoi, en fait. Voilà. C'est Adrien qui vous a appelé et c'est vous qui m'avez appelé. C'est pour ça que c'est un numéro privé. Voilà. C'est ça. Ouais, d'accord. Donc, bah, je réglerai ça avec Adrien en rentrant, alors. Ah bah, Adrien, je suis là. Parle-lui. Tu comprends bien, Adrien, que c'est tout à fait normal et naturel d'avoir des relations. Une intimité, tout simplement. Ouais, voilà, c'est ça. Après, t'étais pas censé débarquer. Lui, il était censé être tranquille. Voilà, comme il a dit, d'habitude, tu préviens et tu pourrais prévenir, ce que tu n'as pas fait. Exactement. Et puis qu'ensuite, il n'a pas besoin de matériaux et de regarder du cyclisme. C'est avec ses fantasmes et sa tête, et puis point, ça suffit, quoi. Ah oui, toi, tu le fais bien de ton côté. Donc voilà. Dans un sens, il n'est pas obligé d'appeler à la radio, il peut m'appeler directement ou alors il peut m'en parler. Enfin, ouais, mais je ne savais pas comment te le dire. Donc, oui. Ouais, mais je reste pas un compère, Adrien. Enfin, c'est bon, on est dans une relation de famille, quoi. Je veux dire. C'est parce qu'il s'est senti coincé et qu'il savait pas quoi faire et qu'il trouvait pas la force et les mots pour le faire. Et donc il nous a appelé pour trouver l'énergie. Moi je lui dis rien quand il se branle avec son mec à la canne dans sa chambre. Eh ben voilà, tu vois, Adrien. C'est très bien. Moi je suis dans ma chambre, je suis en ma porte. Mais c'est sa maison. T'as beau être dans ta chambre, je veux dire, et la maison, il y a quand même des murs, on entend quand même à travers. Ah mais. Bah ouais, bah t'as quand pas écouté aux portes et puis c'est tout. Adrien, c'est la maison de ton père. Il fait ce qu'il veut. Chez moi, je fais ce que je veux. Ah ouais, moi la porte est ouverte donc je rentre. Oui, bah et alors je suis quand même chez moi, je fais ce que je veux. Et voilà, mais moi je suis d'accord avec ton père, Adrien. Bah oui, carrément. Celui qui est en tort là-dedans, c'est toi, Adrien. Et de la même façon que tu fais des plans cul à la cam avec ton mec. Personne t'emmerde, enfin. Hein, il est pas là en train de frapper à ta porte pour te demander de faire moins de bruit. Hein, il respecte ton intimité, Adrien. Et puis, t'as quand même 23 ans, t'es quand même mature, quoi. Enfin, on peut quand même en parler calmement à la maison. Enfin, je sais pas, mais. Ah, c'est pas toujours facile la communication, mais savoir parler, ça s'apprend. Et puis voilà quoi. Oui, il y a rien de grave dans tout ça. Hein, voilà, c'est une nécessité de communication qui a été un peu de travers de la part d'Adrien, qui savait pas comment faire. Bon, voilà, il est passé par notre moyen. La radio, ça, je le prends un peu mal. Ah bah, alors ça, on voulait pas du tout. C'est pour ça qu'on a demandé à Adrien. Si c'était pas dérangeant, vraiment. Alors pour le coup, vous êtes totalement anonyme. Hein, je vous le dis, hein, on ne sait pas qui vous êtes, donc ne vous inquiétez pas. Même là-dessus. Pas votre prénom, même pas votre ville. Donc, comme vous ça. Êtes, bah, vaut mieux. Le papa d'Adrien. Vous êtes le papa d'Adrien. Voilà. Si vaut mieux parce que sinon je resterai pas là. Eh ben, vous inquiétez pas là-dessus, il y a aucun problème. Et on fait toujours attention à l'anonymat des auditeurs qu'on peut appeler notamment à l'antenne. Et surtout, on leur dit qu'ils sont en direct à la radio, parce que sinon ce serait mentir. Et ça là-dessus, on est plutôt réglo. On va pas vous embêter plus longtemps en tout cas et on vous souhaite une bonne soirée. On va reprendre Adrien un petit peu là à l'antenne et vous pourrez vous expliquer un petit peu avec lui juste après, d'accord? Ouais, pas de souci, merci. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci. Au revoir monsieur. Au revoir, merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Allez, hop, on raccroche. Adrien. Oui, oui. Ah mais Adrien, tu réagis mal aussi, putain. Il est hyper cool ton père. De toute façon, enfin quand on l'a entendu parler, on s'est dit mais ils auraient très bien pu en parler hyper naturellement parce que tu lui dis bah alors tu te branles et il te répond bah ouais et alors. Enfin je veux dire pour lui c'est naturel et il a raison et il prend pas de pincettes pour en parler donc te stresse pas pour aussi peu. Ouais, mais moi sur le coup je me suis dit voilà enfin c'est sur le coup quoi en fait. C'est même pas le fait qu'il se branle, je m'en fous, il fait ce qu'il veut de son corps, mais je veux dire c'est sur le coup je me suis dit j'étais choqué donc c'est pour ça que je vous ai appelé pour savoir vraiment. Oui, c'est sûr, c'est chelou, quoi. En fait. Donc, du coup, j'ai préféré passer par la radio pour dire quoi. Voilà, c'est ça le petit souci qui est là, c'est qu'il aurait préféré que tu lui en parles en direct, en face à face, en privé. C'est quand même un truc qui est quand même intime. Et donc, bah, il aurait préféré que vous régliez ça entre vous, d'homme à homme, hein, plutôt que de passer par la radio. De toute façon, je vais te le dire, Adrien, ils disent toujours ça. C'est-à-dire, on aurait pu régler ça en dehors de la radio, sauf qu'en dehors de la radio, généralement, il se passe rien. Hein, donc, il y en a beaucoup qui disent, mais comment, mais pourquoi ils appellent à la radio, ils font passer machin? Parce que les gens n'osent pas si tu passes pas à la radio. Il faut bien comprendre ça aussi. C'est que parfois, justement, on est obligé de passer par un intermédiaire qui peut être cette émission. Et on se permet d'appeler les gens avec toujours l'autorisation des personnes qui nous appellent. Et on dit toujours la vérité. Et si la personne ne souhaite pas parler avec nous, on parle pas. Donc là, en l'occurrence, ça s'est plutôt bien passé. Bon, à mon avis, tu vas avoir une petite discussion avec ton père. Mais je te demanderais juste un truc, Adrien. C'est que là, pour le coup, c'est toi qui est pas cool dans cette histoire. Parce que tu pourrais juste accepter le truc. Voilà, ça arrive. Il y a rien de grave. Il s'inquiétait du cyclisme surtout. Il s'inquiétait du cyclisme. Et de sa mère. Mais, oui. Mais ton père t'a répondu. Il a dit mais j'ai pas besoin de regarder un film. J'ai pas besoin de regarder quoi que ce soit. C'était ce qui veut dire qu'il fait ça avec ses fantasmes dans sa tête. Donc même si la télé est allumée, bon voilà. Et toi, t'as fait un lien avec le cyclisme qu'il n'y a pas. Le maillot à pois est quand même vachement excitant. Arrêtez. Si ça peut te rassurer, c'est pas pour ça qu'il prend pas maman en levrette quand même. Hein, t'inquiète pas. Bien sûr, avec un maillot jaune. Hein, parce que c'est le champion. Hein, c'est un artiste. 22h minuit. Love in fun. Le best-of. Sur Fun Radio. C'est le best-of de Noël. On se réécoute les meilleurs moments de Love in Fun. Et forcément, un de nos invités qui nous a beaucoup marqué dans cette émission, c'est Stéphane Bourgoin. Stéphane Bourgoin, le spécialiste des serial killers, qui nous avait justement raconté l'histoire d'un serial killer, celle de Michel Fourniret, âme sensible, s'abstenir, dans 3 minutes. Stéphane Bourgoin sur Fun Radio. Flash fire, I'm coming for you. You're gonna feel me like the summer, like the sun in your eyes. Hold tight, another minute. Another hour, baby, I'ma show you you can rely on me. I'll give you all you need. In a small cloud, trying to find ground in the place where we belong. We don't have to dream to make it beautiful. Baby, everything we do is beautiful. We can light a fire, watch it ever glow. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ah, on est bonsoir. Content de l'avoir franchement. Et d'ailleurs, on vient de démarrer un Facebook Live. Donc si vous voulez vous connecter sur le Facebook de Fun Radio, ça se passe directement sur le Facebook Fun Radio. F-U-N-R-A-D-I-O. Vous savez comment ça s'écrit. Et vous allez pouvoir commenter, justement, poser des questions à Stéphane qui est avec nous ce soir. Stéphane qu'on connaît, qui était venu l'année dernière. Tu t'en souviens, Stéphane ? Oui, oui, oui, tout à fait. Et tu nous avais raconté le récit Dead Camper, qui est un serial killer. J'ai regardé la vidéo, puisqu'on avait fait une vidéo justement l'année dernière là-dessus. C'était juste hallucinant. C'était un serial killer quand même sacrément taré, quoi. Hein. Alors, ils sont tous tarés. 2m15, 160 kilos. Ah ouais. C'est ça, ouais, ouais. Et qui avait. Nécrophile, cannibale, qui a tué sa propre mère. Voilà. Qui l'a décapité. Voilà. A posé la tête sur un manteau de cheminée. Voilà. Et s'en est servi toute une nuit comme cible d'un jeu de fléchettes. Avant de violer le tronc décapité le lendemain matin. Oh là là. Entre autres choses. Je sens déjà plus mes jambes, moi, Stéphane. Hein. Franchement, c'est le tueur en série vedette de la série de David Fincher, celui qui a fait. Fight Club, Zodiac, Mindhunter sur ouais. les débuts du profilage au FBI. Il passe sur Netflix. Stéphane, il y en a plein qui se connectent sur le Facebook Live. Il y en a beaucoup qui ne te connaissent pas. Toi, tu es écrivain, tu écris des livres, tu t'intéresses depuis de nombreuses années au serial killer. D'où c'est venu cet attrait pour les serial killers, Stéphane ? Alors, j'ai pas d'attrait pour les tueurs en série. J'ai jamais voulu en rencontrer un seul. Mais ma première compagne a été violée et assassinée par un tueur en série ouais. en 1976. Et lorsqu'il est arrêté, qu'il avoue une douzaine de crimes, à l'époque, comme une sorte d'exorcisme, je cherche à en savoir plus. À l'époque, il n'y a aucun livre. Le mot « serial killer » n'existe pas. Et donc, je me dis que la meilleure façon... d'essayer de transformer quelque chose de mal en une forme de catharsis, ouais. c'est d'essayer de comprendre et d'aller à la source, donc de les rencontrer. Et le policier qui a mené l'enquête et qui a recueilli les aveux du tueur de ma compagne a compris le sens de ma démarche, m'a mis le pied à l'étrier. Et à partir de 1979, j'ai interrogé mon premier serial killer. Et depuis 40 ans, j'en ai interrogé 77. 77. Oh là là. Et j'ai travaillé 13 ans pour la gendarmerie, à former leurs officiers. Je travaille pour le FBI, Scotland Yard. J'ai suivi la formation de profiler, un peu comme on voit dans Esprit criminel ouais, de manière fantaisiste. Mais pour de vrai, voilà. Ouais, non, et je travaille sur beaucoup de cold cases. J'ai écrit à peu près un peu plus de 50 livres sur des affaires de tueurs en série. Bon, alors justement, ce soir, t'es venu nous présenter ton nouveau livre qui s'appelle L'Ogre des Ardennes. On parle de Michel Fourniret. Il va d'ailleurs y avoir un documentaire là qui va passer bientôt oui, là, sur France 2. Où je suis le fil rouge qui passe le 4 novembre, dimanche, présenté par Laurent Delahousse sur France 2. Je dois dire que à la fois l'écriture du bouquin et le doc a été probablement une des choses les plus difficiles depuis 40 ans. Toi ? Que je travaille sur des tueurs en série. Ah ouais ? Ouais, parce que j'ai visité les deux maisons du crime, disons, je rappelle Michel Fourniret, ouais, vas-y. Condamné à une vraie perpétuité, ne sortira jamais de prison, a été condamné déjà pour 10 meurtres commis avec son épouse, Monique Olivier. Donc il sortira jamais de prison, il tue des fillettes, des jeunes femmes. Il est en quête de la virginité absolue. Il n'a pas l'ombre d'un remords. Alors ce qu'il dit, je publie l'ensemble de ses expertises psychologiques qui n'ont jamais été publiées, ça fait plus de 100 pages, avec in extenso ses déclarations. Par exemple, il dit que les familles de ses victimes devraient le remercier. Ah oui. Pourquoi ? Parce que d'abord, il a violé les victimes, leurs fillettes, et il leur rend service en les tuant. Parce que s'il les avait pas tuées, elles auraient subi elles, les victimes, et leur famille, un traumatisme durant toute leur existence. Oui, bien sûr. Il est complètement malade. Ouais, c'est fou, et ça. Encore récemment, puisqu'il a un procès pour meurtre, à nouveau, qui démarre le 13 novembre prochain, lors d'une expertise là qui vient de se dérouler, il dit à l'expert psychiatre, en parlant de lui à la troisième personne, vous savez, Monsieur Fourniret ne connaît pas le sens du mot remords. Il n'existe pas dans son vocabulaire. Et Monsieur Fourniret un orgueil tellement incommensurable qu'il ne peut pas avoir de remords et de culpabilité. Oh, ça me fait des frissons. Ah ouais, non mais c'est dingue. Vous savez ce qu'il fait dans la prison où il est, où il y a... Là, il est incarcéré à perpétuité. Hein, ah oui, oui, il y a 22 tueurs en série français dans la même prison. Oui. Il emprunte à celui qui dirige la bibliothèque de la prison, qui est un tueur nazi alsacien, oui. Tous les classiques de la littérature française qu'il recopie à la main pour en corriger les erreurs de style et les fautes d'orthographe. Dans sa cellule, vous savez, ils ont des cordes à linge pour sécher le linge avec des pinces. Et lui, au lieu de sécher son linge, il met toutes ses feuilles manuscrites où il réécrit le grand Maulne et tous les grands classiques de la littérature française. Vous voyez le narcissisme absolu du personnage. Ce qui est fou, c'est qu'il n'ait aucun regret, aucun remords. Absolument aucun. Sa construction psychologique, enfin là, en l'occurrence, psychiatrique. Oui. C'est quand même un grand malade. Il est grand reconnu malade. Comme totalement responsable de ses actes. Mais alors, il y a différents types de serial killers, parce que toi, tu les étudies depuis 40 ans, donc j'imagine qu'il y a, enfin voilà, c'est pas comme si on pouvait les mettre dans des catégories, mais il y en a qui finissent par regretter. Alors moi, sur les 77 que j'ai interrogés, il y en a qu'un seul. Ah ouais. Exprimé ce que je pense être des remords sincères. Ouais. Mais pas par rapport à ses victimes, mais par rapport au fait qu'il a gâché sa vie et qu'il a été condamné à perpétuité. C'était Jeffrey Dahmer qui a été tué en prison par un autre détenu, le cannibale de Milwaukee. Le cannibale de Milwaukee, il faisait quoi lui? Il a tué 17 adolescents, il congelait les parties de corps pour les dévorer par la suite. Ouais, mais c'est horrible. Hein. Et il prenait des douches avec les corps momifiés de ses victimes qui étaient accrochés aux pommeaux de douche. Mais quelle horreur! Toi, t'as été jusqu'à les voir, parfois aussi en prison? Ah ben, j'ai quelquefois 300 heures d'interview avec un même tueur en série pour le faire avouer, quoi. Ah ouais, parce que patient. Moi, mon rôle, c'est en quelque sorte de débloquer une situation. Hein. Ce sont des manipulateurs. On t'appelle, on te dit, Stéphane, il faut que tu lui parles. Essaye de nous débloquer la situation. Quelquefois, je le fais aussi pour mes livres, pour mes docs, pour la télé. Vous pouvez voir d'ailleurs, si vous tapez mon nom sur YouTube, vous verrez plein d'entretiens et que j'ai effectué avec des tueurs. Et quelquefois, bon, moi, mon rôle, c'est de devenir leur confident, d'ouvrir la porte de communication et de devenir leur ami. Oui. Tu les manipules, en fait. Voilà. Et tu nous parlais tout à l'heure en antenne du cimetière de Michel Fourniret. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette découverte-là? Justement, dans mon livre, je révèle quelque chose qui est totalement inédit. C'est à côté d'une de ces maisons du crime, il possédait un terrain qu'il a transformé en jardin d'enfants. Et moi, je pense que c'est peut-être un de ces cimetières privés. Parce qu'il y a certains corps de ces victimes qu'on n'a pas retrouvés. Et ce cimetière, enfin, ce jardin d'enfants, par acte chez un notaire, il a dit « Il ne faut jamais déraciner deux arbres en particulier, un pommier et un sapin. Vous avez le droit de couper les troncs, les copropriétaires, mais vous n'avez pas le droit de déraciner ces deux arbres en particulier. » Pourquoi a-t-il dit ça? Pourquoi est-ce un acte notarié? Je pose la question, ce terrain n'a jamais été fouillé. Je pense qu'avec la sortie de mon bouquin, il va fouiller. Peut-être être fouillé. Et je révèle peut-être six nouvelles victimes. Six nouvelles victimes? Oh là là. Oui. D'accord. Ah oui, donc c'est pas rien. Et sont des personnes qui ont disparu. Alors, on ne le sait pas. Ce qui est dingue, c'est que il kidnappait ses victimes avec son épouse qui était au volant de la camionnette, Monique Olivier, et lui faisait semblant d'être un autostoppeur un peu plus loin sur la route, avec un jerrycan vide. Et elle disait aux jeunes filles, aux fillettes, je suis enceinte. Puis après, quand elle a eu son bébé, qui était en quelque sorte un alibi qu'elle se donnait, mon bébé est très malade, est-ce que vous pourriez monter à bord de la camionnette et m'amener chez un médecin? Et quelques kilomètres plus loin, ils l'ont prenait soi-disant cet autostoppeur, son mari Michel Fourniret, qui à ce moment-là montait à bord, ligotait les fillettes, les attachait avec des menottes sur la banquette arrière, avant ensuite de les violer et de les assassiner. Il se trouve que sur ces menottes, ces chaînes et ces liens, on a retrouvé 6 ADN qui n'ont jamais été analysés jusqu'à présent, depuis 2004. 4 de ces ADN sont dans un labo en Belgique. Mmh. Et les policiers français qui ont travaillé sur l'affaire m'ont dit « Vas-y Stéphane, au marteau-pilon dans ton doc et dans ton bouquin, parce qu'on nous a jamais donné un cadre juridique à nous policiers pour récupérer ces ADN. » Et les comparer aux fichiers d'empreintes génétiques français. Donc il y a peut-être des familles dont les proches ont disparu et qui ne savent pas ce que ces proches sont devenus. Léa, notre auditrice du soir, veut réagir. Léa de Saint-Brieuc. Eh ben moi j'écoute avec une oreille attentive depuis tout à l'heure et je trouve ça incroyable ce que l'humain en fait. Peut faire en fait. Ah, c'est la bête, hein, c'est même. Je reste sans voix en fait. Est-ce que c'est un être humain ? Ouais, c'est ça. Alors... C'est un être humain, moi je ne les qualifie pas de monstres, hein, parce que si je les qualifie de monstres, je les mets sur un piédestal. D'accord. Donc pour moi, c'est des êtres humains qui commettent des actes odieux. Voilà. Alors, Stéphane, c'est inhumain. On va. Et tous les jours, d'ailleurs, j'anime une page Facebook au quotidien. Ouais. Où il y a à peu près 45 000 visiteurs quotidiens. Je publie à peu près 20 récits de faits divers incroyables, non seulement en France, mais à travers le monde. Il y a des milliers de personnes qui commentent, il y a des policiers qui viennent, etc. Sur ton Facebook, Stéphane, alors on va souffler un peu. Hein, on va souffler un petit peu là. Je pense que on est pas mal monté en pression. On va souffler. On va revenir dans un instant avec Stéphane, justement, qui a encore pas mal de choses à nous dire. Pendant les vacances, de 22h à minuit. Retrouvez les meilleurs moments de Love in Fun sur Fun Radio. Dans un instant sur Fun Radio, on revient avec les questions pour Stéphane Bourgoin, un invité passionnant, et notamment la question de Thibaut qui voulait savoir comment faire un crime parfait. Ultra flippant. Restez avec nous, c'est Love in Fun. À tout de suite, les amis. Réagissez à l'émission sur Twitter, hashtag Love in Fun. Welcome back to the Fun Radio Ibiza Experience. Les meilleurs DJs vous donnent rendez-vous le vendredi 19 avril 2019. Are you ready? Pour ne pas rater la plus grosse soirée dance electro à l'Accor Hotel Arena de Paris, réservez maintenant vos billets sur funradioibizaexperience.fr. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël. Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam ? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect Sam, mais c'est qui ? Bah c'est toi Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Le best of. Best of. De 22h à minuit sur Fun Radio. Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chip up in me. Y si el pueblo pide, let go, let go. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. DJ, suénalo, pa' acá y aceléralo. Todo el mundo está abajo y se mide ese booty, pégalo. No me mates la vibra hasta ahora y gózatelo. Métele sazón, mami, como dice tío. Ya tú sabes quiénes son, me resuelto de montón. Dios bendiga el reggaetón, amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró. Bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón bailando reggaetón. No se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. El reggaetón canción la pone friki. Se pega como Kiki, como Yavia con el Wiki Wiki. La vida loca como Ricky, no te la de The Piki. Que yo te he visto fumando creep, ya tú sabes quiénes son. Me resuelto de montón, Dios bendiga el reggaetón, amén. Amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró. Bajo fuerte como ron, ron, ron. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. El negocio socio. Chibabenme. Sky rompiendo. Sky. Tiny. Tiny. Viste. Viste. Vacances. De 22h à minuit. Retrouvez les meilleurs moments de Love in Fun sur Fun Radio. Ouais, ouais, en direct hein, sur Fun Radio depuis 22h jusqu'à minuit, l'émission spéciale peur. Hein, ce qui est bien, c'est qu'avec cette émission, à chaque fois qu'on reçoit Stéphane Bourgoin, je ne dors pas de la nuit. Hein, je sais déjà que je vais faire des gros cauchemars. Stéphane qui nous fait voilà, l'honneur d'être avec nous ce soir, qui sort un livre. Alors, c'est le 7 novembre, Les derniers secrets de Michel Fourniret. Tu nous as parlé un petit peu de ce fameux Michel Fourniret. Il y a un documentaire aussi qui sera sur France 2 le 4 novembre, présent par Monsieur Delahousse, hein. Et justement, tu fais beaucoup de révélations dans ce livre. Tu nous en as parlé. Il y a beaucoup d'auditeurs qui t'écoutent là avec attention, qui veulent aussi te parler. Stéphane, on va accueillir Thibaut qui est avec nous. Il a 18 ans. Il est de Paris. Bonsoir Thibaut. Oui, bonsoir tout le monde. Ça va? Salut. Sois le bienvenu Thibaut. Qu'est-ce que tu veux savoir toi? Stéphane t'écoute là. Bah alors moi en fait je suis vraiment fan du travail de Stéphane, vraiment, enfin je l'ai découvert l'année dernière du coup avec l'émission pareil Love in Fun. D'accord. Et je suis vraiment fan de ce qu'il fait, tout ce qu'il fait. Et du coup j'avais une question, c'est est-ce que par hasard Stéphane, est-ce que vous avez des conseils pour organiser un crime parfait? Oh putain. Non mais attends, Thibaut. Génial. Ah, j'adore, c'est bon. Alors comment faire un crime parfait Stéphane? Alors, il y a pas de crime parfait, si, il y en a. Il y en a de moins en moins, ouais. Parce que le taux d'élucidation, notamment en France, est extrêmement élevé, tourne largement à plus de 80%. Et maintenant, avec les fichiers d'empreintes génétiques, le FNAEG, les progrès de l'ADN, on peut par exemple retrouver un ADN sur un corps émergé dans l'eau depuis 7-8 mois. Hein. Ah oui, quand même. Oui. On a aussi des bases de données informatiques qui sont communes à la police et à la gendarmerie, ça s'appelle le SALVAC, où tout enquêteur pour un crime élucidé ou non doit répondre à 168 questions. Après, c'est mouliné dans une base de données et des opérateurs gendarmes et policiers vont par exemple dire « Ah tiens, ce crime à Brest ressemble à une disparition à Perpignan, à un autre meurtre à Metz » et vont dire aux enquêteurs locaux de faire pot commun. Donc, on utilise aussi des profilers à la française, eux n'aiment pas ce terme, des analystes comportementaux au sein de la gendarmerie. À Pontoise, il y a le département des sciences du comportement, qui est d'ailleurs dirigé par Marie-Laure Brunel, qui est une ancienne fan et lectrice de mes bouquins, qui a eu la vocation en lisant mes livres. Mais c'est, oui, ça, et tu, qui tu analyse des vocations. Les scènes de crime. Et en analysant la scène de crime, ils vont déterminer l'âge de celui qui a pu commettre le crime, peut-être si c'est un premier crime ou non. Et ils vont aider aussi aux auditions. C'est par exemple des gendarmes du département des sciences du comportement qui ont fait avouer Jonathan Daval, on en a parlé aujourd'hui, la libération éventuelle, et qui travaille notamment sur l'affaire de Nordal-Lelandais. Alors, c'est, qui est cette personne ? Norvel l'Hollandais. Alors, il a tué la petite Maëlys, dans l'Isère, a nié pendant très longtemps avant d'avouer, et il a tué aussi un militaire, le caporal Arthur Noyer. Et en ce moment, il y a une cellule de 7 gendarmes qui travaillent à plein temps et qui le suspectent de beaucoup d'autres crimes. Ouais, c'est assez étonnant. D'ailleurs, Thibaut, tu nous l'as dit, il y a une espèce de, comme tu l'as, c'est pas une attirance, mais c'est vrai que une espèce de fascination pour ces serial killers. Comment est-ce surtout chez les femmes? Ah ouais? Ah oui, oui. Tu reçois beaucoup de courriers de femmes, j'ai l'impression. Alors, à toutes mes conférences, j'en fais à peu près 50 par an. Elles t'envoient des petites culottes? Presque, hein. Non. À toutes mes conférences, c'est 75% de public féminin. D'ailleurs, beaucoup de ces femmes écrivent des lettres d'amour aux tueurs en série, veulent les épouser. Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, qui a un peu plus de 50 ans, a une petite amie dans la prison où il est incarcéré, une étudiante de 22 ans, qui vient le voir régulièrement pour avoir des relations intimes. Dans la prison, dans le parloir. C'est assez incroyable. Et d'ailleurs, moi, autant interroger des tueurs en série ne me pose pas de problème, sauf celui qui a tenté de me tuer. Ah, ça, c'est encore une autre histoire. Évidemment. C'est-à-dire qu'il y a un tueur en série qui a essayé de te tuer, quoi. Oui, oui, oui. Pendant un entretien. Pendant un entretien. Tu étais face à lui, il était en train de te raconter des choses à un moment donné. Il me racontait des conneries, pour parler crûment. Donc, Il se foutait de ta gueule, quoi. Ouais. Donc, okay. Je l'ai mis volontairement en colère. Tu as dit quoi? Oh, bah, je lui ai dit, j'ai appris que t'es une vraie fiotte, un garage à bites. Ouais. Voilà. Putain, t'es fou, Stéphane. Un tueur en série, quoi. Ouais, t'as un garage à bites. Qui lui dit, tu sais. Ah ouais. Je lui ai dit, mais t'es une vraie banque de sperme. C'est ce que tout le monde m'a dit dans la prison. Donc, il a sauté par-dessus la table pour tenter de m'étrangler. Et comme c'était filmé, mon caméraman a pris le pied de caméra pour l'assommer. Une autre fois, dans le couloir de la mort de Floride, il y a un tueur en série pendant 3 jours. À raison de 7-8 fois par minute qu'il m'a craché dessus. Je posais une question, il me crachait dessus, je réagissais pas, ça a duré 7-8 heures pendant 3 jours. Il crache dessus pendant des heures Et le quatrième jour... Tu réagis pas, t'as plein de molars sur la gueule et Ça doit l'énerver, ça. Oui, ça énerve quand même. J'avais envie de lui en coller une. Ah, tu m'étonnes. Ouais, mais je suis resté stoïque. Le quatrième jour, je pense qu'il avait plus de salive. Et du coup, il a commencé à répondre aux questions et à m'avouer ses crimes. Ah ouais. Mais mis à part ça, les entretiens se passent très bien. Le problème, c'est souvent les fans déséquilibrés. Moi, ça m'est arrivé à mon domicile précédent d'avoir quelqu'un dans ma boîte aux lettres qui m'a déposé une cartouche de fusil d'assaut. En ce moment même, ma compagne est menacée de mort. Parce que sur ma page Facebook, j'ai supprimé la possibilité qu'on m'envoie des MP. Ouais, des messages. Donc c'est elle qui les reçoit, les messengers. Ouais. Et donc elle a affaire quelquefois à des fans déséquilibrés. C'est un métier dangereux, Stéphane. C'est un métier, disons, exposé, quoi. Quelque peu se méfier, oui. Je me posais une question. Est-ce que tu as rencontré une serial killeuse? Oui. J'ai fait plusieurs entretiens, d'ailleurs filmés, avec des tueuses en série. Alors généralement, elles tuent de manière moins violente. Ça va être les veuves noires qui vont tuer leur mari ou leur compagnon, les mères de famille qui vont commettre des infanticides en série, ou alors ce qu'on appelle les infirmières de la mort dans des hôpitaux, des établissements gériatriques, et elles vont tuer de manière plus insidieuse, plus cachée, avec le poison, l'injection létale, la suffocation ou l'asphyxie. Okay. C'est pour ça que je pense que leur nombre est sous-évalué. D'accord. Il y a des questions dans le public. Coco. Ouais, exactement, il y a une question d'Anthony, 16 ans, qui vient de Paris, tout simplement, il est à côté. Okay. Il a une question pour Stéphane. Bonsoir. Quelle affaire vous a le plus marqué? Quelle affaire? Alors, un tueur en série qui a été assassiné en prison en 95, Gérard Schaeffer, qui était shérif adjoint au moment où il a été suspecté de 34 meurtres, qui avait probablement le plus grand nombre de déviances sexuelles possibles et même inimaginables, et qui écrivait des textes autour de ces crimes qui présentaient comme des fictions. Il y a 12 minutes de mon entretien avec Gérard Schaeffer qui sont sur YouTube. J'arrivais pas à le bouger parce qu'il était charmant et sympathique d'aspect. Ouais. Et donc à la fin, comme il prétendait connaître parfaitement tous ses voisins de cellule qui étaient des tueurs en série, j'ai commencé à lui parler de rituels et de modes opératoires que lui pratiquait sur ses propres victimes, et en prenant pour exemple les tueurs qui étaient ses voisins de cellule. Et là, c'est hallucinant, il y a une transformation physique qui s'opère, sa voix devient un débit beaucoup plus intense, beaucoup plus ralenti, il se pourlèche les babines. Ah, tu me fais peur Stéphane. Et tu tout, me fais peur. Et là, déjà, rien qu'avec la vidéo, et c'est le seul tueur où, face à lui, dès la première seconde, j'ai eu la chair de poule, la colonne vertébrale qui s'est bloquée, alors qu'il est souriant pendant tout l'entretien. Et 20 ans plus tard, j'ai écrit un livre sur lui, qui s'appelle Sex Beast, sur la piste du pire tueur en série de l'histoire. Quand j'ai voulu revoir ces images, j'ai 3 jours d'entretien, mon corps, à 20 ans d'intervalle, s'est souvenu exactement des mêmes réactions. J'ai dû couper l'image pour ne garder que le son. Et là, depuis l'écriture de ce bouquin sur Fourniret, que j'ai terminé le 10 août exactement, m'a mis la tête à l'envers et j'ai du mal à m'en remettre. Alors je vous explique, il tuait dans 2 maisons du crime qui sont dans les Ardennes françaises, le château du Sautou et une baraque à Floin, où il a enterré, tué ses victimes. Et avec l'équipe de France 2, ils m'ont envoyé visiter ces maisons. J'étais suivi par un drone, vous le verrez. Dimanche dans le reportage. Ouais. Et c'est des bois très denses dans les Ardennes françaises, très sombres. Il y a des milliers de bruits d'animaux, d'oiseaux. J'arrive à moins de 100 mètres des 2 maisons du crime de Fourniret. Silence de mort. Plus aucun bruit. Alors là, vraiment, ça m'a mis la chair de poule. J'étais terrorisé, comme si les animaux sentaient qu'il n'y avait plus qu'une vie dans ces maisons. Et toute l'équipe technique, la réalisatrice Anne-Sophie Martin, le caméraman et le preneur de son ont aussi été tétanisés. Ouais, tu fais un métier à la fois passionnant et en même temps tout le monde ne pourrait pas le faire, hein, Stéphane. Hein. Ah non. Clairement, franchement, c'est assez dingue. Hein. Tout le monde est un peu sur le cul, là. Hein. Non, c'est vrai. C'est grave. Mais c'est vrai, en fait, ce qui est le plus fou, c'est la façon dont tu racontes tout ça. On sent que quand ils se livrent à toi, ils ont un tel détachement, tu vois, de tout ça. Comme si, bah, comme on le disait tout à l'heure, ils sont pas dans le même monde que nous. Et heureusement pour nous. Certains, oui, mais t'es arrivé dans les entretiens, notamment avec un tueur en série qui a été assassiné en prison l'an dernier, Donald Harvey, qui avait tué 70 personnes. Il avait fait un plaidé coupable pour éviter la peine de mort en échange de ses aveux complets. Moi, je l'interroge 20 ans après. Je le mets totalement en confiance, puis je savais qu'il était resté une période de temps sans tuer. Moi, je lui dis, écoute, j'arrive pas à croire que t'es resté tant d'années sans tuer. Et là, il veut me montrer sa toute-puissance. Il se sent en confiance. Je lui pose la question, combien de victimes as-tu tué au total? Alors, il hésite quelques secondes, il oscille de la tête. Et puis, il m'avoue 17 crimes dont il n'était même pas suspecté au départ. Hors caméra, il m'avoue devant la caméra les 17. Hors caméra, il m'écrit de sa main les noms des 17 personnes. C'est à 20 ans d'intervalle. C'était un tueur en hôpital, un infirmier de la mort. Il me met le nom, le numéro de la chambre, le lit, chambre 108, B12, 17h32, pour les 17 victimes à plus de 20 ans d'intervalle. Hein. On continue d'en parler dans un instant sur Fun Radio. Il est passionnant, Stéphane Bourgoin, notre invité. Dans un instant, on va parler également des faits divers les plus terrifiants. Si vous avez entendu parler d'une histoire qui s'est passée près de chez vous ou autre, c'est le moment de nous appeler. 01 42 48 5000. On vit une émission exceptionnelle. Ce soir, c'est l'émission spéciale peur. De 22h à minuit, retrouvez les meilleurs moments de Love in Fun sur Fun Radio. Love in Fun, le meilleur, le best-of de Noël de Love in Fun, avec la suite de l'interview de Stéphane Bourgoin, un invité passionnant, le spécialiste des serial killers, qui nous avait parlé des faits divers les plus flippants de toute son existence. I'm gonna search for you all night long, screaming I wanna know where you've gone. Ain't gonna stop, cause the love's too strong. Where do you hide? Let me know where you've gone. Where have you gone? Let me know, I wanna know where you've gone. I'm gonna search for you. De 22h à minuit. Retrouvez les meilleurs moments de Love in Fun sur Fun Radio. Anaïs est avec nous, elle a 20 ans et nous appelle du Portugal. Bonsoir Anaïs. Bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir, bonsoir Anaïs, qu'est-ce que tu voulais nous raconter ce soir dans l'émission? Ça concerne ma mère, elle travaillait donc dans un bar jusqu'à la fermeture. Oui. Donc pendant qu'elle travaillait, elle a été témoin d'une dispute. Il y avait donc un père et son fils, puis avec un troisième homme, donc ils sont disputés dans le bar. Et donc à la fermeture du bar, ma mère a été donc témoin du passage à tabac, donc le père et son fils et le troisième homme. Donc ils ont en gros tabassé l'homme. Donc elle sait pas s'il était mort ou non, il avait l'air inconscient. Ouais. Et donc après bah vu qu'ils l'ont repéré, ils ont été la voir et ils l'ont menacé de lui faire du mal si en gros elle racontait ce qu'elle avait vu. D'accord, donc elle est témoin d'un passage à tabac, donc une personne qui se fait mais alors c'est quoi, c'est il se prend des coups de poing, il s'est passé quoi exactement? Bah elle le pensait mort, tu viens de nous dire. Donc ça se trouve le mec était vraiment mort en fait. Alors la petite histoire c'est qu'après bah ma mère a fui du coup le travail, elle a plus jamais remis les pieds là-bas. Ah tu m'étonnes. Bah, c'est pour ça que t'es au Portugal, j'imagine. Non, pas du tout. Je sais pas, j'ai tenté. Et donc, quelques semaines après, bah, le corps a été retrouvé derrière un arbuste. D'accord, donc la personne était morte. Donc, elle a assisté à un assassinat, quoi. Oui. Et elle a jamais été voir la police pour le dire? Non, parce qu'elle était trop effrayée par les menaces du père, surtout. Parce qu'apparemment, le père, il était assez flippant. Mais le père, il était responsable de rien? Si, les deux, le père et le fils. Tu avais tué le troisième mec, en fait, c'est ça? Exactement. D'accord, et ces personnes n'ont jamais été retrouvées? Alors là, je sais pas du tout. Oh, c'est fou ça. Bah, elles ont jamais été balancées quoi. En fait, ta mère était la seule témoin, elle l'a gardée pour elle, et puis du coup, bah voilà. Mais c'est ça. Donc ta mère est complice d'un meurtre, c'est en train de nous dire. Il n'y a pas de problème. Hein. Ah, Stéphane, il y a une nouvelle enquête pour toi là. Non mais c'est ça, Anaïs, t'es en train de nous dire que ta maman est. Non, elle n'est pas complice. Non, mais, elle est témoin. Elle est témoin et elle n'a rien fait, c'est sûr. Bon, après, elle a des circonstances qui sont quand même le fait qu'elle ait peur, quoi. Et puis qu'elle qu'elle était menacée de mort. Puis elle était toute seule, surtout. Bien sûr. Tu comprends ça, Stéphane, qu'on puisse ne rien dire tellement on est submergé par la peur? Oui, ça peut arriver. Hein. Et quelquefois, certaines forces de police vont utiliser, par exemple, l'hypnose. Hein, pour faire parler des témoins qui ont occulté volontairement ou involontairement un certain nombre d'informations. Ça se pratique pas trop en France, mais ça se pratique par exemple aux États-Unis, au Canada, en Belgique et dans d'autres pays. Oui. Mais parce que c'est tellement choquant que finalement on se referme complètement, oui. Le cerveau va sublimer en fait, va envoyer dans l'inconscient et ça peut ne pas venir au conscient. Mais il n'y a que l'hypnose effectivement qui peut arriver. Comme certaines victimes de viol aussi, qui vont parler de ce qu'elles ont subi par la suite, grâce à l'hypnose. Anaïs, merci. L'hypnose régressive. Ouais. Bah Anaïs, merci en tout cas pour ton témoignage. Si jamais la police nous appelle, on donnera le téléphone de ta maman. Hein. En tout cas, merci et en direct du Portugal. En plus, ça fait plaisir. Ça, tu nous écoutes du Portugal, Anaïs? Oui. Eh ben, merci beaucoup. Je sais qu'on nous écoute un peu partout depuis l'application Fun Radio. Oui. On va aussi accueillir Nathan, 27 ans de La Rochelle. Bonsoir Nathan. Salut l'équipe. Salut Stéphane. Salut. Bonsoir. Salut Nathan, salut, bienvenue sur Fun Radio. Tu veux nous raconter toi aussi une histoire? Ouais, une histoire un peu folle. Vas-y. Donc en fait, il y a quelques années, je suis rentré dans ma commune et là j'ai vu des voitures de flics, mais il y en avait partout. Partout. Bon, après, ça c'est l'histoire. Je suis rentré chez moi et puis après, j'ai su vraiment pourquoi ils étaient là. En fait, c'est que il y a une connaissance que je connais comme ci, comme ça, quoi. Mm-hmm. Et en fait, elle a découvert un bébé dans son jardin. Un nourrisson. Ok. Et le bébé était mort? Voilà. Oh là là. Putain. Et en fait, il y avait une rue qui était en surplomb de la maison. Une rue adjacente. Et en fait, il y a quelqu'un qui a balancé le bébé de cette rue. Et lui, le monsieur, la connaissance que je connais, a voulu aller chercher du bois, et comme il faisait froid, a voulu aller chercher du bois dans son jardin. Et en fait, il a vu une couverture bleue un peu sur l'aplomb de... comme sur le coteau un peu. Et il a été attrayé par cette couverture. Donc, il a été voir. Et sauf que en allant voir, et ben il a marché dessus, quoi. Oh. Attends. J'ai pas tout compris. Donc il y a un bébé en gros qui a été balancé dans la rue, mais il est dans le jardin. Oui, enfin dans le jardin, mais il a été balancé d'un étage, c'est ça? Non, d'une rue parallèle, mais par-dessus la rue. C'est ça, par-dessus. Voilà. Il a marché sur l'enfant. Ouais, parce qu'il a vu la couverture qui était sur un arbre. Et en fait, il a été attrayé par cette couverture et regardait pas où il sait qu'il marchait en fait. Et en fait, puis là, ben, quand il a vu tout ça, ben il a appelé les secours et tout ça, quoi. Et après, il y a eu une enquête de fou dans la commune. Tous les gendarmes allaient voir ceux qui étaient enceintes et tout, parce que bon, après, ça a pas mal jasé dans la commune. Ah, j'imagine. Ah, bah, oui. Donc, pour savoir qui était vraiment la mère et puis le père. Et ça fait pas mal de bruit. Ils les ont retrouvés au final? La mère, ils ont retrouvé la mère. Okay. Ils ont retrouvé la mère et après, bon, j'ai plus le fin mot de l'histoire, mais apparemment, elle a pas été poursuivie. Ah oui, bon, non, elle a pas été poursuivie, mais c'est atroce, sérieux. Ouais, non, mais c'est fou. Et en fait, suivant l'enquête, elle a accouché toute seule et en fait, le bébé était mort-né. Et apparemment, elle a paniqué et ce serait le père qui l'aurait balancé. D'accord. Ouais, voilà. Écoute, merci pour ce témoignage, Nathan. C'est vrai que c'est une histoire de dingue, ça, pour le coup. Ouais. C'était vraiment. C'est choquant. Ça a vraiment été un truc de ouf. Ah, on plonge dans l'horreur. On plonge totalement dans l'horreur. Au moins, personne n'aurait tué ce bébé. Oui. Enfin, on ne sait pas. Voilà. Parce que j'imagine que forcément, elle ne va pas dire oui, j'ai accouché. Et puis, non, mais il y a une autopsie. Hein. Oui, mais bon, enfin, je sais pas. Moi, je me dis toujours, tu te sépares d'un bébé mort, tu le jettes pas comme ça. C'est le maire qui lui a donné un prénom et qui a été enterré dans la commune. Ok. Important, ça. Alors, on va aussi accueillir Alexandra, qui a 24 ans, qui est de Bourges. Vous venez nous raconter vos histoires terrifiantes. Bonsoir, Alexandra. Bonsoir, Alice. Bonsoir, Doc. Bonsoir, Karel et Stéphane. Salut. Bonsoir. Bonsoir, Alexandra. On t'écoute pour ton histoire. Alors, moi, il y a un peu plus de 10 ans de ça, il y a eu un cambriolage qui a mal tourné à 10 minutes de chez moi. Ouais. Donc, en gros, c'est un couple de personnes âgées qui se sont fait assassiner chez eux. Et il y a eu la brigade, du coup, de la criminologie de Bourges qui a fait une enquête. Ça a été pendant bien 10 ans. Et là, la maison, elle a été rachetée il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils n'ont jamais découvert qui étaient les assassins de ce couple de personnes âgées. Ils avaient soupçonné de la famille des personnes âgées, mais ils ont vu que c'était pas eux. Donc, on ne sait pas, en gros, on a un criminel qui se balade encore, quoi. Il a tué deux personnes âgées, et il se balade encore. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Stéphane, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des criminels qui ne sont pas inquiétés, et puis il y a aussi des personnes qui ont disparu, qui ont été assassinées, et les proches, leur famille ne savent pas exactement ce qui s'est passé, quoi. Là, nous, chez nous, on sait toujours pas ce qui s'est passé 10 ans plus tard. J'étais toute gamine quand j'ai vu justement on passait sur cette ruelle par pur hasard. On a vu toute l'équipe criminologie et tout, donc j'ai demandé ce qui se passait. Ils nous ont expliqué qu'en gros, il y avait eu un meurtre, quoi. D'accord. Merci Alexandra pour cette histoire également. Hein. C'est moi je suis pas bien. Depuis le coup du bébé là et tout, moi je suis encore franchement. Il y a eu une info dernièrement comme quoi ils avaient retrouvé grâce à de la génétique justement un morceau d'ADN retrouvé, mais c'est genre 20-25 ans ou je crois que c'était 27 ans plus tard, ils ont retrouvé un meurtrier des années et des années plus tard. Mmh. Enfin voilà, 27 ans plus tard. Donc c'est toujours possible. On peut encore retrouver des assassins et des meurtriers. Oui, parce que maintenant, il y a des comparaisons qu'on appelle par parentèle. C'est-à-dire, si un assassin, son frère, par exemple, est incarcéré pour des vols, on va lui prendre son ADN qu'on va mettre dans le fichier d'empreintes génétiques. Et donc, on peut trouver des comparaisons par parentèle, c'est-à-dire entre frères, pères, même cousins, pour identifier maintenant des crimes qui, par le passé, n'auraient jamais été identifiés. Et récemment, on a eu un tueur en série à San Francisco qui a été arrêté 35 ans après les faits grâce à un site de généalogie. D'accord. Parce que les sites de généalogie aux États-Unis, vous envoyez votre ADN, qui ensuite, ce site va essayer de retrouver tous vos parents, cousins à l'étranger, etc. Et grâce à la généalogie, on a pu retrouver l'assassin dont on avait un ADN sur différentes scènes de crime. Bah écoute, merci beaucoup Stéphane d'être venu nous voir ce soir. Dimanche, le documentaire sur France 2 qu'on ne manquera pas de regarder. Et puis ton livre, Stéphane Bourgoin, L'Ogre des Ardennes, les derniers secrets de Michel Fourniret aux éditions Grasset. Tu avais d'ailleurs sorti aussi un film sur celui qui voulait être Dexter, hein, c'est ça ? L'homme qui rêvait d'être livre. Dexter, oui. Ouais, tout à fait. Sur le vrai flic à Miami qui ne tuait que des méchants et qui a inspiré le personnage de la série, qui à son tour, c'est complètement dingue, va inspirer un réalisateur canadien qui avait une page Facebook au nom de Dexter Morgan, qui a tourné un Star Wars et aussi un thriller où dans ce thriller, il mettait en scène de manière fictive un tueur comme Dexter qui démembrait et dépeçait ses victimes dans un garage. 15 jours après le tournage, il a utilisé ce même garage qui servait de studio à son film pour tuer dans la vraie vie ses propres victimes.

22h à minuit. Le best-of sur Fun Radio. Est-ce qu'on a déjà surpris nos parents voilà, en train de faire l'amour, hein, ou de les entendre, hein, d'entendre des petits bruits comme ça au loin, maman qui prend du plaisir ou papa qui éjacule, hein. C'est terrible, hein, parce que c'est vrai que nos parents, Doc, on les imagine pas le faire. Non, jamais. En général, si on propose cette idée, on entend tout le monde faire ah non, arrête. Ouais, c'est ça, ça. C'est pas concevable. Bah pourtant. Pourtant, ils ça ont y va. Dû, hein. Ah oui. Puisqu'on est là. Pourtant, ça y va. Eh, sans déconner. On a Loïc qui est avec nous, 21 ans de Nantes. Bonsoir, Loïc. Salut. Comment ça va, toute l'équipe? Salut, Loïc. On vient d'entendre la maman de Cassim, je crois. Alors. Nous le remettre. Non, vas-y. Non. Ah non, c'est sa sœur. On s'est trompé. On embrasse la sœur de Cassim. Ah ouais. De toute façon, même pas. Alors, Loïc. Oui. Excuse-nous, on s'amuse, on déconne et tout. Alors Loïc, est-ce que t'as déjà surpris toi tes darons en train de niquer, de copuler? Tout à fait. Ouais, malheureusement, ouais. c'était un petit bout de temps, j'avais 14-15 ans. Ouais. Et en gros, je voulais sortir pour des potes et tout, donc il fallait que je leur demande l'autorisation, normal. Ouais. Du coup, moi je sors de ma chambre, je gueule dans la maison, pas de réponse. Du coup, je commence à fouiller un peu partout, salon, cuisine, toilette, personne, salle de bain, personne. Et du coup, bah, j'ouvre la porte de la chambre sans frapper, et puis là, je vois ma mère s'affaler sur le, enfin, tomber sur le lit totalement nu et mon père derrière. Oh, putain. Du coup, j'ai fermé la porte et je suis barré en courant dans ma chambre. Et là, t'as crié. Ah non, mais là, j'étais pas bien. Et genre, ma mère, elle arrivait 2 minutes après, genre habillée quand même. Elle arrivait 2 minutes après, je me suis fait incendier et j'ai dû faire 300 lignes. Je dois frapper avant d'entrer dans la chambre de ma mère. Putain, en plus, t'es puni quoi. Mais oui, oh, là, mais c'est normal. Et puni. Oui. Ah putain. Eh non mais après c'est normal, hein. Oui, on frappe avant d'entrer quand même. Ah c'est clair. Ouais, Qu'est-ce qui t'est passé par la tête de ne pas frapper? Bien sûr. Bah, je voulais sortir, je voulais faire un foot et du coup bah voilà, il répondait pas aussi. La vraie question c'est est-ce que maman elle avait l'air de kiffer? Franchement, j'ai vraiment pas fait attention à ça. Tu vois, genre j'ai vu ma mère, j'ai vu ses soins, j'ai fait wait et je suis parti. Ah mais c'est vrai. Et Loïc, est-ce que maintenant, au repas de famille le dimanche, vous arrivez en blaguer quoi? Franchement, je sais même pas s'ils s'en souviennent. Ah ouais, non, c'est même pas revenu. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, non, c'est vrai que c'est. Même moi, j'étais gêné, quoi. Ouais, c'est, non, c'est une anecdote compliquée. Hein. Mais est-ce que toi, t'en as reparlé avec eux comme ça? Je sais pas. Non, jamais. Même pas. Enfin, j'ai fait mes lignes, je leur ai donné, et puis bah, depuis, on en a jamais reparlé, quoi. Ouais. Dans plein de familles, hein, c'est quand même vachement touchy. C'est beaucoup de non-dits, malheureusement. La sexualité, quoi. Ouais. Moi, je me souviens quand j'en parle à la table et tout, on me disait, mais non. Ça suffit, arrête tout de suite. Non, c'est vrai, je pouvais pas. C'est pas tabou la sexualité, mais c'est plus la sexualité de mes parents, quoi. Moi-même, j'ai pas envie d'en parler, quoi. Ben c'est ça, bien sûr. Et c'est pour ça que tu nous as appelé. Bravo, Loïc. On a également Mélodie. Mélodie qui est avec nous. Mélodie, 24 ans de Brest. Bonsoir, Mélodie. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Mélodie. Tu fais partie de ceux qui veulent un nouveau téléphone, j'imagine. Et pourtant, il est nouveau, mais je l'ai mis dans l'eau. J'ai voulu tester l'étanchéité et puis voilà, ça n'a pas marché. Ah ouais, fort. Ah, c'est bon, ça. Il y en a qui testent vraiment, en fait, pour s'apercevoir qu'ils se sont fait couiller. Ah non, c'est ça. C'est exactement ça. Pourtant, c'est un bon téléphone, mais non. C'est ça. Eh ben, mensonger le truc. C'est quoi comme téléphone qui ment? C'est l'iPhone 7 Plus. L'iPhone 7 Plus, hein, soi-disant ouais. Étanche mon cul. Et alors, Mélodie, on t'entend quand même un petit peu mieux là. Est-ce que t'as okay. déjà voilà, observé tes parents en train de niquer? Pardon. Bah oui, mais en fait, j'étais avec mon frère dans le salon et ça faisait quelques temps que ma mère était à l'assiette. Du coup, bah, je suis partie voir dans sa chambre. Et quand je suis rentrée, bah, je l'ai vu de dos sur mon beau-père, avec son fessier en premier plan et tout. Donc, je suis retournée vite dans le salon voir mon frère après. Oh là là, putain! Et donc, c'était petite position Amazon, quoi. Oui, c'était, ouais. J'avais pas très envie de voir ça, mais bon. D'accord. Et alors, justement, ça t'a marqué un petit peu et ils t'ont pas vu? Bah, si, ils ont vu. Et bah, avec mon frère, on en rigole toujours aujourd'hui parce qu'on se dit, non, mais c'est pas possible, quoi. Ah oui, mais bon, en même temps, ça existe. Hein. Si vous êtes là tous les deux, c'est bien parce qu'ils ont des rapports sexuels. Bon, voilà, c'est pas dramatique. Ouais, bon, voilà, c'est un accident. On le sait, mais on préfère pas le savoir quand tout même. Tout à fait. Ah, bien sûr, ça n'est c'est... que par accident, et comme c'est un accident, c'est pas grave. Alors, chercher à voir les parents faire, non. Que les parents poussent aussi, parce qu'il y avait une époque où on pensait que la sexualité, ça pouvait se montrer largement aux enfants. Ah ouais, oui, dans les années 70, c'était très à la mode. Voilà. Oh, bah non, mais il n'y a pas de problème avec les sexualités. Et donc, les parents pouvaient se montrer à leurs enfants en train d'avoir des rapports sexuels. Ah ouais. C'est quelque chose qui est effectivement une effraction dans le psychisme des gens. Donc, à ne pas faire. Bon, voilà. Après, quand ça arrive par accident, c'est un accident. Hop, on ferme la porte, c'est fini. Est-ce que vous en avez reparlé, vous ? Non, bah, on en reparle avec mon frère juste entre nous, quoi, et on rigole. Oui, mais pas avec les parents. Non, pas avec eux. Non. Et ils ne t'ont rien dit ? Non. Mais on avait déjà cramé une fois ma mère quand on était plus petits. On lui en avait parlé, mais mon frère, il s'en rappelle pas, lui. Ok, écoute Mélodie, ravie en tout cas de savoir que tes parents ont encore une vie sexuelle. Hein, et ça c'est déjà pas mal. On va aussi prendre Dylan, là, notre auditeur du soir. Dylan. Oui. Dylan, oh toi, alors, toi je suis sûr Dylan, t'as vu des trucs toi. Oui, alors donc moi j'ai deux histoires, donc une où j'ai pas chopé mais entendu mes parents. Ouais. Et une autre où je me suis fait choper. D'accord. Ah bah dis la plus intéressante. Ah, la plus intéressante. Bah, les deux sont intéressantes. Alors là, tu prends un risque. Tu prends le risque qu'on te dise qu'il n'y en avait qu'une seule intéressante. Ou les deux, c'est peut-être de la merde. Hein. Ah, ça, c'est le verre à moitié vide, Alice, si je peux me permettre. Complètement vide. C'est complètement vide. Là, il n'y a plus rien à boire. Bon, allez, c'est bon. Il n'y a pas d'histoire, du coup. J'adore. Susceptible, tu sais. Vous avez gagné. Dylan, il est vexé. Oui. Raconte-nous, bon, Dylan. Finalement, je ne raconte plus. Hein. Vas-y, Dylan, raconte-nous tes deux histoires. Ouais, les deux. Allez, les du deux. Du coup, je raconte laquelle? Les deux. Les oui. deux. Et du coup, alors la première, attendez, je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Oui. Hein? Ah, dans. Oh merde, il a oublié, mais attends. Attends, on repasse plus tard. Ok. Nous assistons à une oui, scène. Désolé. Oui, c'était qui? C'était ta mère? Attends, on repasse plus tard. Parce que là, je suis un peu en. Ah, oui, désolé, du coup. T'es à l'internat? Oui, je suis à l'internat, du coup, il y a mes éducs et tout, du coup, bref. Des éducs qui viennent dans ta chambre à 22h40? Oui, en fait, je suis en studio, c'est un peu compliqué, bref. D'accord, allez, vas-y, balance ton histoire. La première où j'ai, entre guillemets, entendu mes parents, donc c'était le soir, j'étais petit, et ma chambre, elle était collée à celle de ma mère, donc il y avait juste un mur qui séparait nos deux chambres. C'est sûr. Et c'est là où je commence à entendre ma mère, des petits bruits comme ça. Ouais. Et le pire, c'est que ça commence à m'exciter. Oh ah oui, j'adore cette histoire. Oh putain, non. Et là, tu commences à bander et tout, quoi. Oui, voilà, je commençais à avoir envie de me masturber, mais je l'ai pas fait parce que je me suis dit que quand même c'était abusé de se branler sur. Ah ouais, bravo Dylan. Sur sa mère. Bravo. En effet. Oui. Ah putain, donc t'as rien fait, Dylan. Non, j'ai juste eu un moment là, la kikette qui a. Ouais, d'accord, ok. Ça, à la rigueur, c'est naturel. T'as entendu un bruit qui provoque une excitation sexuelle, voilà. Après, une fois que tu l'as relié à ta mère, paf, ça y est, ça s'est arrêté. T'avais quel âge à ce moment-là? Je crois 11 ou 12 ans. D'accord. Oui, et puis c'est l'âge où tu bandes pour rien. On touche la jambe, tu bandes. Ah, c'est vrai, c'est fou. Et alors, la deuxième histoire, Dylan. Bon, la deuxième histoire, je risque d'être un peu confus parce que je sais plus trop, c'était il y a longtemps. Ouais. Mais du coup, c'était pour mon anniversaire. Oui. Et du coup, j'étais dans la chambre avec une pote à moi. Ouais. Et puis, c'est là où on commence à s'embrasser, à faire des petits trucs sales, quoi. Ouais. Et du coup, je commence à lui laisser la chatte, à essayer de le rentrer un peu dans le vagin, et puis il y a un moment, il y a la porte du couloir qui commence à s'ouvrir, ouais. Donc on a eu un petit temps de pause, en se disant c'est quoi ce bruit, mais après on a continué, et c'est là d'un coup il y a la porte de ma chambre qui s'ouvre, et bingo, ma mère qui était devant, et du coup on était un peu choqués à ce moment-là, quoi. D'accord, mais t'étais en train de faire quoi à ce moment-là? Un cunni, ah ouais, d'accord, en bonne position et tout, quoi. Maman. Et du coup, après, c'est parti littéralement en couille avec la famille de ma pote et tout. Parce que ta mère a appelé ses parents? Non, en fait, ses parents, vu que c'était mon anniversaire, étaient là. Oh putain! Oh là là! Oh Dylan! Oh, t'as survécu à ça, mec! J'ai eu très peur et puis après on en a reparlé en rigolant, mais voilà quoi, c'était sur le moment c'était chaud quoi. D'accord, et là, mais il s'est passé quoi avec les parents de ta copine? Genre ils ont débarqué et tout quoi? Non, c'est ma mère qui est arrivée et du coup après elle m'a gueulé dessus et puis elle est retournée dans le salon voir les amis de ma mère. Ils ont commencé à dire ouais ton fils il touche à ma fille et tout, ils font des choses pas très saines et tout. Pas très fun, et catholique. Oui, pas très catholique, voilà. Et du coup après je m'en souviens plus très bien mais... Ouais, et maintenant t'es en internat hein, Dylan. Ouais. Ah, tu vois. Voilà. Oh là, on comprend pourquoi. Eh ben, tu sais quoi, on prend ces deux histoires. Elles étaient très bien. Pas mal, oui. Franchement. Ouais. Bravo, j'ai eu des Dylan. Doutes, hein. Bravo. Jusqu'à ce que tu dises que t'es failli te branler, au début, c'était de la merde. Hein. Coralie, 24 ans de Montluçon. Bonsoir, Coralie. Salut, Karen, salut toute l'équipe. Et Dylan, c'est plus ton tour, là, Dylan. Coralie, bonsoir, bienvenue dans la Vin Fun. Coralie, tu as déjà vu tes parents, surpris tes parents, peut-être en train de se masturber ou des amis Non, pas du tout. Donc, merci d'avoir. Je me suis fait surprendre. Ah, tu t'es fait surprendre? Ouais. D'accord, t'étais avec qui? T'avais quel âge? Pas plus tard qu'hier. Pas plus tard qu'hier, dis donc. Alors, vas-y, raconte. On était en soirée pour un anniversaire d'une amie. Ah oui? Et forcément, dans le salon, on était plusieurs. Et puis, on m'a toujours dit de ne pas aller contre ses envies. Bien sûr, c'est important. Donc, on n'y va pas. Et puis, ma meilleure amie qui nous a écouté faire, jusqu'à ce que je fasse même une pipe à mon copain. Mais elle a attendu sagement ce matin pour en parler devant tout le monde. D'accord, mais elle t'a regardé tailler une pipe à ton mec pendant... Non, elle nous a entendu. Le problème, c'est qu'elle s'est juste tournée parce qu'elle était en train de parler avec un ami sur le téléphone, mais elle s'est juste tournée pour nous laisser faire, on va dire. D'accord. Parce que vous étiez en groupe. Voilà. Et elle en a parlé après? Elle nous en a parlé ce matin. Ah, d'accord. Mais genre devant tout le monde, quoi? Ouais, sans gêne. On l'appelle? C'est pas bien. En même temps, vous l'avez fait devant tout le monde aussi. Après, je pense que la plus gênée, c'était tout de même elle, sachant que ça fait longtemps qu'elle l'a pas fait, quoi. Je propose de l'appeler. Elle doit dormir parce que demain elle bosse. Ah d'accord. Bon, alors on l'appelle pas alors. On l'appelle pas. Non parce que c'est bien beau de mater. Hein, mais c'est interdit, bien sûr. On a le droit de mater. Quand tu fais ça en public, ils ont fait ça. Vous étiez plusieurs dans une même pièce, c'est ça? Oui, on devait être 4-5. Évidemment, tu prends un gros risque quand même. Ah, bien sûr, Coralie. Puis appelle. Après, c'est pas la première fois, ça me dérange pas, moi. Ah bah écoute, la prochaine fois, appelle les amis de Fun Radio. On passera faire une petite soirée dance floor à Montluçon. Après, tu peux pas être choqué que le lendemain elle t'en parle, bien évidemment. Ah non, pas du tout. Moi, sans gêne, ça me gêne pas. D'accord. Eh bah, Coralie, je te trouve très ouverte et très intéressante. Bravo. J'attendais une réaction. Merci, pardon. Eh ben, il n'y a pas de problème. Pendant les vacances, de 22h à minuit, retrouvez les meilleurs moments de Love in Fun sur Fun Radio. C'est Love in Fun depuis 22h. On sera de retour dans un instant avec Mila, 21 ans de Bordeaux, qui voulait essayer la sodomie avec son copain. Sauf qu'il avait une énorme tub. Et on en était très effrayés. Forcément, vous nous connaissez, on lui a donné des conseils et on a parlé de centimètres. Combien de centimètres peuvent rentrer dans un anus? Est-ce que c'est possible qu'il y ait une fissure anale pendant l'acte? Nous, quand on traite un sujet, on va bien au fond et en profondeur. C'est important. Vous saurez tout dans 3 minutes sur Fun Radio. À tout de suite. I am not the only traveler. Not prepared is dead. I've been searching for a trail to follow again. Take me back to the night we met. And I have all that I must leave somewhere now, none of you. Take me back to the night. 22h à minuit, le meilleur de Love in Fun sur Fun Radio. On va parler fissure anale. Parce que c'est important d'en parler. Je vois qu'il y en a certains ici qui ont déjà connu ce problème de fissure anale. Hein. Ça fait mal au cul, comme on dit. Mila est avec nous. Bonsoir, Mila. Bonsoir, tout le monde. Salut. Bonsoir, Mila. T'as 21 ans, t'es de Bordeaux. C'est ça. Bon, et tu nous appelles parce que ton mec a une grosse bite. Voilà, du coup, c'est ça. Mon mec a une grosse bite. Alors, ça fait quelques temps qu'on est ensemble. Combien de temps? 3 ans. Tout se passe bien. Voilà, et, niveau sexuel, il n'y a rien à dire. Niveau vaginal, franchement, bah, du coup, je prends mon pied parce que vraiment, il a un bel engin, quoi, on va dire. Et du coup, par contre, bah, voilà, ça fait quelques mois qu'il insiste pour passer par le cul, hein, pour faire la sodomie. L'entrée des artistes. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, moi, je suis un peu réticente par rapport à ça parce que concrètement, bah, vu le machin, bah, clairement, ça me fait peur, en fait. Parce que je me dis, mais combien de centimètres tu peux mettre dans l'anus? Enfin, ça, c'est une question que je me pose. Alors, franchement, ça dépend des anus. Ah, c'est sans limite. Hein. Si c'est ça la question, c'est sans limite. Sans limite, non, mais bien sûr. D'accord. Ah oui, non, mais et tu vas. Bah, quand même risquer, parce que du coup, mon autre question, c'était par rapport à la fissure anale, quoi, parce qu'il a vraiment quelque chose de. En plus, que ce soit gros, c'est aussi long, hein, je sais pas, j'ai pas mesuré, mais voilà. C'est pas le fait que ce soit long qui va faire une fissure anale, c'est le fait justement que ce soit large. Ouais, l'effet canette de coca, quoi. Voilà. Le risque de fissure anale est quand même assez rare, déjà. C'est quoi, d'ailleurs, une fissure anale? C'est vraiment comme une fissure au niveau du pli de l'anus. Si tu regardes un anus, c'est très plié. Ah bah, j'en regarde régulièrement. Ça fait partie bien, c'est de la peau qui est très pliée sur elle. Et donc, c'est au milieu des plis que ça va se fissurer. Ouh, ça doit faire mal au pli. Voilà, c'est comme une gerçure. Comme une gerçure entre les doigts. C'est exactement la même chose. Faut mettre du labello. Eh bien, c'est pas si mal que ça. Oui, il faut des crèmes hydratantes, des crèmes à base de cortisone, des suppositoires. Il faut des laxatifs pour que les selles passent très très très très facilement et qu'il n'y ait aucun effort à faire. Mais là, attention, on parle du moment où il y en a déjà une. Comment éviter, quoi, voilà. Comment éviter? Il faut surtout que la sodomie se passe bien. Donc d'abord, il faut que tu en aies envie. Très envie. Plus t'en as envie et plus ça se passera bien. Ça, c'est déjà une chose. Donc, le genre, ouais, bon, allez, je vais le faire pour lui faire plaisir. Ouais, mais enfin, faut quand même que tu sois motivé. Bah, en fait, moi, concrètement, désolé si je te coupe, mais non, en vas-y. Fait, concrètement, il m'a expliqué, alors il n'aurait peut-être pas dû, qu'en fait, bah, la dernière fois, quand il a essayé avec son ex, bah, concrètement, elle a eu une fissure anale. C'est pour ça que moi. Voilà, c'est pas très malin ça. Mais bon, voilà. Après, il est franc, tant mieux. Hein. Mais voilà, c'est propre à chacun. Mais d'abord, il faut surtout que tu aies très envie. Deuxièmement, il faut y aller très, très, très en douceur. On commence comment, Doc? Bah, je trouve que le mieux, c'est plutôt d'être en cuillère, d'être sur le côté, pour y aller très doucement. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est pas en levrette, quoi. D'accord. Donc, qui n'est pas une position facile pour ça. Ensuite, du lubrifiant, il vaut mieux en tartiner beaucoup plus que... On tartine sur postérieur. Voilà. Et puis, à la rigueur, tu peux aussi le guider, toi. C'est-à-dire que, voilà, en mettant la main dessus, bah, tu vas y aller, toi, doucement, à ton allure. Plutôt que ce soit lui qui fasse quoi que ce soit. Il faut vraiment y aller très, très doucement. C'est vraiment millimètre par millimètre. Jouer. Alors, il y a la préparation avant aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, un anulingus, des doigts, c'est bien. Après, faut voir si toi t'aimes ça. Déjà, oui, non, moi j'en ai envie, donc c'est pour ça que je pose la question. Mais est-ce que tu aimes les doigts et l'anulingus? Oui, c'est vraiment l'étape en fait franchissement de son pénis à mon anus qui me fait un peu peur. Donc il faut des préliminaires qui sont longs, qui vont contenir un anulingus, qui vont contenir un doigt, deux doigts, trois doigts. Voilà, faut s'amuser avec, faut donner envie. Et donc trois doigts, Doc. A priori, s'il est très bien membré, ça va plutôt être quatre doigts même. Donc voilà. Le point. Ça, c'est autre chose. Voilà, donc vraiment la douceur, le lubrifiant, bien se chauffer avant, des préliminaires qui sont longs, les doigts, qu'est-ce qu'il y aurait encore d'autre? La position. Surtout que tu sois dans un état très détendu, très relaxé, très en confiance. C'est sûr que si t'as peur... Excuse-moi de te couper, Doc, mais est-ce qu'il faut que la personne fasse caca avant la sodomie? Bah, c'est mieux. Je pense que c'est pas pendant, une bonne idée. En tout cas, c'est sûr. Alors, on ne fait pas pendant. Mais alors, moi, c'est encore une question que je me pose. Il y en a certaines qui font des lavements avant, mais ça va tout de suite être un peu plus compliqué. Des lavements, c'est-à-dire, on se lave le cul, l'intérieur de l'intérieur du cul. Bon, alors avec il y a des embouts de douche spécifiques pour ça. Une petite paille dans l'anus. On souffle de l'eau. Non, c'est t'as des embouts de douche que tu peux mettre sur ta douche et tu fais un lavement, voilà. Ou comme avant, il y avait le clister qui servait à ça pour faire les lavements. D'accord. Bon, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut voir si tu as envie de passer par ça tout de suite. Mais sinon, vous utilisez des préservatifs encore ? Non, non. Mais du coup, je me posais une question. Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, un sextoy, mais du coup, d'une taille normale ? Bien sûr. Pour peut-être bien préparer sûr. Et après. C'est bien. Ok. Très bonne idée. Bah voilà. De faire monter petit à petit le diamètre des sextoys. Il y a un truc qui marche assez bien chez les patients et patientes à qui je l'ai conseillé. Il y a des sprays qui s'appellent tout simplement Relax. Relax. Voilà. Ou spray anal. Ça dépend des sections. Il y a un slogan, le spray qui détend ton cul. Regarde sur internet spray anal ou relax. Okay. Ouais. C'est des sprays de produits qui vont détendre un peu le muscle du sphincter anal, en plus de l'anesthésier très très légèrement et de le chauffer. Un collab, doc. Et voilà. Et ça marche. Faut laisser 2-3 okay. minutes pour que ça fonctionne. Et après, en général, ça se passe bien. Eh ben okay, voilà, d'accord. T'es un milliard. Ouais, et puis, et alors surtout... Ça fait un tuto sodo, là. On va pouvoir le faire en vidéo. Dis donc, Doc, tu dépasses les limites, là. Hein, alors, Doc, va aller plus loin. Je non, mais c'est plaisante. Bien, c'est bien, Doc. Non, mais t'as raison. Il faut aller plus loin dans cette émission. Et donc, tu nous feras un petit tuto en vidéo. Voilà. Et j'allais conclure en te disant, si jamais tu as mal à n'importe quel moment, faut arrêter. Mm-hmm. Hein, on continue pas, tu pètes, c'est pas grave, tu dis ok, attends, j'ai mal, tu sors. Non, okay. Tu pètes. Et on y retourne plus tard s'il faut, mais ou le lendemain ou une autre fois, c'est pas très grave. Hein. Si okay, ça marche pas du premier coup, c'est pas très grave. D'accord ? Ok, ouais, ça marche, ok, super. Voilà, ça fera 77€ au mieux. Hein ? Et on te remercie. Bah oui, bah je vous rappelle si jamais c'est fait. Bah c'est gratuit, hein. Je le dis parce qu'il y a la team premier degré qui va dire oh putain, Fun, ils font payer, dis donc maintenant. Hein ? Non, c'est gratuit. Bah merci beaucoup. Et bah je t'en prie, Mila, et n'hésite pas à nous rappeler pour nous raconter comment s'est passé. Bah ce deux, c'est un, deux, trois, puis quatre doigts dans les fesses. D'accord, Mila ? Avec plaisir, ça marche, merci beaucoup. Avec gros bisous, Mila. De 22h à minuit, le meilleur de Love in Fun sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio, on revient très vite avec de la question à la con. On aura aussi Bruno, notre invité. Bruno a un message qui avait la particularité de pouvoir parler avec les personnes décédées. A tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat en tapant Love in Fun Radio. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Mesmer est notre invité et on va tenter de l'hypnose en direct. Maintenant, Eliott, tu oublies tous les prénoms des co-animateurs ici. Mais non, ça peut pas marcher. C'est quoi mon nom? Si tu veux, je peux l'appeler Bruno. Mais ouais, c'est chelou, comment t'arrives à faire ça? Décompose-le en deux, par exemple. La première syllabe, c'est... Exactement. C'est extraordinaire. Exactement. C'est quoi la première syllabe de mon prénom? Bru. Bruno dans la radio. Joyeuses fêtes, la famille. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah, ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah, bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah, c'est toi, Adrien. Ah, cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. 22h, minuit. Le best of sur Fun Radio. It's a fun day. People open windows. They leave their houses just for a short while. It's going to be a fun. Tomorrow. to be a fool. La la la la la. It's going to be a fool. La la la la la. Fun Radio. Bonsoir Bruno, ça fait deux semaines que Kassim, le reproducteur, nous parle de toi. Ah, il a vu des vidéos et moi je me suis beaucoup intéressé à toi. Je suis allé sur ta chaîne YouTube. Bruno a un message. Bruno, un nouveau message. Ah, Bruno, un nouveau message. Ouais. La page Facebook également. Tu es connecté à un réseau social extraordinaire. Oui. Tu es connecté aux âmes en quelque sorte. Oui, et c'est vraiment les âmes des personnes qui sont, on les appelle personnes disparues, mais c'est les personnes qui sont passées de l'autre côté du miroir, on va dire. En fait, ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Comment est-ce que tu as découvert? Est-ce qu'on peut parler d'un don? Enfin, moi, j'ai plein de questions à te poser, quoi. Alors, bon, le parcours, je vais pas faire un CV complet. Non, globalement, je me suis pas réveillé, mais plutôt réveillé si en pleine nuit quand j'étais gosse. C'est vraiment un moment très marquant de ma jeunesse, de mon enfance. Je devais avoir 6 ou 7 ans, je pense. Mmh. Et là, pour le coup, ça fait très Halloween parce que j'avais vraiment l'impression de m'être retrouvé dans un autre monde. Alors quand on est gamin, on est dans le noir, on peut s'imaginer plein de choses. Sauf que je suis sorti de mon lit et j'ai voulu aller allumer la lumière et pouvoir trouver la poignée pour sortir de ma chambre. Sauf que je trouvais ni la lumière ni la poignée de la chambre. Donc là, ça fait vraiment très peur. Donc, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc on s'est dit que c'était des paniques nocturnes, des choses comme ça. Ouais. Mais j'avais vraiment le sentiment d'être isolé ou d'être vraiment dans un autre monde en réalité. Comme une autre dimension. Un peu, oui. Comme peut-être dans la série Stranger Things. Ça fait un peu cette impression-là, oui. Bon, d'accord. Sans la musique et sans les effets spéciaux. Hein. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Bon, heureusement, moi, je braillais comme un dératé et donc ma mère, à un moment donné, elle venait me récupérer et j'étais juste à côté de la porte d'entrée, juste à côté de la lumière, sauf que j'avais pas appuyé au bon endroit. Donc voilà. Et ça s'est manifesté plusieurs fois où j'avais vraiment l'impression de pas être tout seul, vraiment. Mm-hmm. Donc c'était pas que des paniques nocturnes. Voilà. Okay. Et ça s'est un peu confirmé dans les années qui ont suivi. Hein. Quand tu dis pas tout seul, parce que là tu l'as pas évoqué, ça veut dire quoi? Ben, c'est-à-dire pas le sentiment. D'ailleurs, je l'ai depuis toujours maintenant, et ça m'accompagne tous les jours d'être avec des présences. Et c'était sauf qu'aujourd'hui, ce sont des présences que j'ai considérées comme amies et qui me sont communes dans la vie quotidienne. Au moment où on parle, il y a des présences autour de toi? Alors j'ai envie de dire, de toute façon, systématiquement, oui. Il faut vraiment imaginer ça comme une sorte de Wi-Fi. Alors ça fait un peu bizarre, mais c'est un peu un streaming. C'est-à-dire que si... Bon, c'est pas aussi mécanique ou mathématique de plugger ta prise pour avoir ton réseau, enlever le mode avion, effectivement, mais c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que on peut imaginer, comme on est tous ici là, bah il y a aussi des âmes qui sont là aussi autour de nous et qui, à la limite, nous accompagnent. C'est un petit peu notre histoire qui nous accompagne en même temps. Alors, pourquoi est-ce qu'on serait pas tous capables de les sentir? Qu'est-ce qui fait la différence avec toi, justement? Alors, bon, je suis pas quelqu'un d'exceptionnel non plus, hein. Il y a quelque chose qui est très particulier, je pense, c'est qu'on a tous reçu un don ou un talent particulier quand on est né. C'est les petites fées qui sont penchées sur le berceau, de toute façon. Mm-hmm. Après, c'est à chacun d'entre nous de venir chercher notre talent et d'aller venir le comprendre, découvrir et le faire vivre. Ou comme, je sais pas, si t'as le talent d'être animateur, bah, peut-être que tu l'avais quand t'étais gosse, mais il a fallu que tu travailles ou que tu rencontres les bonnes personnes. C'est la même chose pour tout le monde. Un doc qui est là, il a fallu qu'il fasse aussi des études qui fasse les rencontres, etc. Mais je crois que c'est la même chose. Un violoniste, il a besoin de travailler son violon, son piano, etc. C'est la même chose. Donc là, tu es capable de te connecter ce soir avec peut-être des auditeurs qui vont nous appeler et qui vont te demander. On va tenter l'expérience de toute façon. Si je suis pas trop fatigué, ça va. Mais c'est bon. Alors, je sais que Doc nous a dit qu'il serait intéressé justement. C'est ça, Doc, hein? Oui, c'est ça. En fait, l'histoire, c'est que moi, je n'ai pas eu mon père. Ah voilà. Alors, Je vais plus loin, c'est que j'ai appris l'année dernière par une de mes amies qui a fait des recherches et qui m'a dit, a priori, il serait décédé. D'accord. Mais moi, techniquement, je n'en ai pas la preuve et personne n'était au courant. D'accord. Alors, en général, quand je rencontre quelqu'un, c'est pas du tout pour... En fait, ce type de témoignage est très intéressant. En même temps, dans mon activité, il peut être un peu squeezant. C'est-à-dire que si je sais déjà que la personne... Alors là, pour le coup, tu ne le sais pas. Enfin, on se tutoie, bien sûr. Oui. Tout dit, doc, là. Voilà. Mais non, mais c'est en même temps... C'est un témoignage. Mais la plupart du temps, les gens que je rencontre, que ce soit dans la chaîne Bruno à Nouveau Message, toutes les personnes qui viennent en tournage, le mot d'ordre, c'est de ne rien dire. C'est-à-dire que je sais même pas qui vient et qui je rencontre et quelle est l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir perdu un père, un grand-père, une meilleure amie, un enfant, etc. Mais je suis pas censé le savoir. Parce que le cerveau est ainsi fait qu'il analyse et il interprète très vite. Et j'y échappe pas, je suis quelqu'un d'humain. Donc forcément, si j'ai quelque chose qu'on me dit, ne serait-ce qu'un minimum, je vais être influencé, je vais avoir envie, par empathie aussi, de faire plaisir. Et c'est l'esprit humain qui veut ça. Donc en général, c'est rien, aucune info. C'est bonjour, quel est ton prénom? Ou bonjour, comment vous appelez-vous? Je serre la main. Voilà, c'est ce qu'on voit dans les vidéos. Et okay. ça se fait comme ça. Voilà. C'est ça, on discutait aussi un petit peu avec toi en antenne et tu nous expliquais qu'à la rigueur, tu voulais même pas savoir comment s'appelait la personne. Quoi. C'est... Alors, à la limite, si le prénom, parce que c'est quand même sympa de se dire oui. Bonjour, et c'est quand même pas des sauvages, mais ça s'arrête souvent là. Quoi. Si on commence à me dire, ah bah alors je voudrais vraiment qu'on parle de ma grand-mère, parce que ma grand-mère elle est morte comme ça, puis que j'étais bien pas sûr. Là, etc., c'est ouais. Mort. C'est mort. Après, je veux dire, on m'a tout dit, puis il suffit de tout interpréter. Mais c'est même sans le vouloir. Et en général, ça m'handicape plutôt qu'autre chose. Donc vraiment, c'est souvent des oui-non, oui-non. Oui, ça me parle, non, ça me parle pas. C'est pas la peine de se forcer. Si ça parle pas, on dit non, et puis on passe à autre chose. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez direct, en fait. Hein. Et il faut arriver à le prendre tel que ça vient. C'est ça, la difficulté de la chose. C'est que il faut que je puisse parler un peu assez rapidement. Et alors, notamment dans la salle, il y a une personne qui est... Et je pensais que c'était dans le deuxième rang, là. Ouais. Je me demandais... C'était... Oh là, faut pas me regarder comme ça. Il y a quelqu'un dans le public qui t'intéresse particulièrement. Voilà. On a démarré un Facebook Live. Je vous invite à vous connecter sur le Facebook de Fun Radio pour voir également les images. Alors, vas-y, Bruno. Pardon, bonjour. Quel est ton prénom? Alexiane. Pardon? Alexiane. Parle bien fort dans le micro, Alexiane. Alors, il y a juste une chose. Je voulais savoir si Alexiane. Ou si, parce que pour moi, c'est le deuxième rang ici. Hein. Et tu as une bague, alors que tu n'as pas ce soir, mais il y a une bague normalement que tu dois avoir qui appartient à une personne de ton. D'une personne qui est passée déjà ou qui est disparue. C'est comme une base, c'est pas une bague d'une grand-mère ou de quelque chose comme ça. On m'a parlé du deuxième rang, alors je pense pas que ce soit le premier. Il y a comme une bague ou quelque chose qui reste, mais qui n'est pas à la main ici, tout de suite. Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un déjà dans le studio? Parce qu'on va voir si ça peut parler. A priori, non. Si ça vient, hein. Il y a une bague qui a été retrouvée, quelque chose qui est lié à une femme et qui, c'est une figure qui est au-dessus de maman en plus, hein. Donc, t'as pas perdu ta grand-mère maternelle. Ça peut pas être. Alors, on va grimper un petit peu plus haut. Ça peut être l'arrière-grand-mère, c'est aussi possible. Non, je sais pas. D'accord. Il y a quelqu'un qui est là, hein, qui est une figure féminine très forte et qui insiste pour parler de ça. Alors, il y a des choses parfois qui sont un petit peu embêtantes. C'est une pour rien. Hein. C'est que parfois les gens ne voient pas forcément ce que je veux dire. D'accord. Donc, ils vont se renseigner et après ils nous disent ah bah si finalement il s'est passé ça. Voilà. C'est ça. Après elle est un petit peu surprise. Elle pensait pas forcément. C'est forcément pour toi. D'accord. Ouais. Elle n'est peut-être pas encore au courant. En d'accord. Fait. Alors bon, enfin je prédis pas l'avenir. Hein, je précise. Hein. Donc si je parle de grand-mère, de choses comme ça, il y a personne qui va décéder ou qui va arriver des choses. Hein. Donc, mais justement, on t'a jamais donné les numéros du loto. Il s'est jamais passé. Alors il y a un deal quand même qui est spécial, c'est que je ne fais aucun jeu d'hasard, ouais. Je joue pas au casino, je fais jamais de choses comme ça. Voilà, c'est une espèce de deal qu'on s'est passé avec mes amis là-haut. Voilà. Alors moi j'ai une question à te poser avant qu'on continue l'expérience avec d'autres auditeurs. Ouais. Donc on meurt, ok. Tu nous dis qu'on est quelque part ailleurs après la mort. C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu crois, toi, avec toutes les expériences que tu as vécues? C'est quoi la vie après la mort? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas définitivement passés ailleurs? Enfin, ou à autre chose, ouais, c'est ça. Ouais. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent parler encore alors qu'ils devraient être complètement partis? Alors déjà, il y a une chose, c'est qu'ils ne parlent pas. Ils ont plus d'organes sensoriels parce qu'ils sont quand même morts. Donc, oui. Faut quand même juste préciser ça, c'est qu'ils n'ont ni bras, ni jambes, ni oreilles, donc, ni bouche, etc. Tu n'entends pas de voix, hein, mais en revanche, ça serait presque scientifique d'expliquer ça comme ça. C'est-à-dire que l'énergie, elle vient se matérialiser sur un capteur qui est moi. Et avec mes propres organes sensoriels, je peux transmettre les émotions, les sentiments, les fameux cinq sens dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'ils avaient du temps de leur vivant. D'accord. Mais c'est une communication pour eux qui est privilégiée de passer avec quelqu'un comme moi. Je dis pas que je suis meilleur qu'un autre, mais c'est privilégié dans la mesure où il faudrait imaginer une super antenne et que ils ont que ce moyen-là pour dire, ben voilà, on existe, on est là, on fait ça, ou on est ça plutôt qu'on fait. On est plutôt dans un être qu'un faire. Voilà, c'est un peu complexe à expliquer. Globalement, là où ils se trouvent, il n'y a pas de lieu en particulier, parce qu'on parle de l'au-delà. Moi-même, je dis là-haut souvent parce que on est obligé un petit peu d'en parler comme ça, mais en réalité, il y a on pourrait plus que dire un ici et maintenant, en fait, et ça serait une autre dimension que la nôtre qui serait, voilà, une dimension parallèle, pourquoi pas. Hein. Love in Fun. Love in Fun. De 22h à minuit. Le best-of sur Fun Radio. Jusqu'à minuit, c'est Love in Fun sur Fun Radio. Encore quelques minutes et forcément, pour terminer, on terminera fort avec une question à la con. Et avec cette fameuse question, est-ce qu'avec une mycose, on peut faire une omelette? Vous saurez tout dans un instant, à tout de suite. Algunos parecen todavía viven en el siglo de la hombría. Que te arreglo es solo para ellos y que pa' tu hombre te maquillas. Solo para él, que esto se te va a helar. Todo es solo para él, que me gusta gozar. Y él me dice, vámonos, vámonos, vámonos. Pero la cama, la cama, la cama no. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero la cama, la cama, la cama no. Ser mujer no tengo miedo, aunque os dejo claro que no quiero. Creen que lo mío es coqueteo. Quiere gozar, ella no anda buscando drama. Le dije, vámonos, vámonos, vámonos. Y ella, la cama, la cama, la cama, no. Quiero que esta noche te vaya conmigo. Pero a la cama, la cama, la cama, no. Solo para él, y esto es sexy bailar. No es solo para él, que me gusta gozar. Y él me dice, vámonos, vámonos, vámonos. Pero la cama, la cama, la cama, no. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero la cama, pero la cama, no. De 22h à minuit. Le best-of sur Fun Radio. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Eugénie! Bonsoir Eugénie. Salut. Ça va les gars? Ça va Carole, Alice, Doc, ça va? Oui. Eugénie, bonsoir Eugénie. Tu as 22 ans et tu nous appelles exact. De Tours. Ouais. Eugénie, quelle est ta question à la con? Ma question à la con, c'est est-ce qu'avec une mycose, on peut faire une omelette? Est-ce qu'avec une mycose, on peut faire une omelette? Alors oui, mais l'omelette est-elle comestible, Doc? Si tu mets tes champignons... Alors, quelle mycose? Parce qu'il y a un type de champignons... Ah champi... non, mais la mycose vaginale. C'est ah, ah, bah, elle ah se oui, rappe, celle-là. La mycose. Elle se râpe moins bien que la mycose au pied. Ah bah oui, si je peux me permettre. Bah, tu peux toujours essayer de mettre des œufs dessus, si tu veux, pour les récupérer, puis ensuite tu les fais cuire. Mais non, je ne te conseille pas. Merci Eugénie. Je vous écoute tous les dimanches soirs quand je fais la route, parce que je fais plus de 450 km tous les vendredis et tous les dimanches. Donc je vous écoute tous les vendredis, et du lundi au jeudi, je vous écoute en, sur mon téléphone avec l'appli, et je vous adore, vous êtes géniaux, et vous êtes top. Continuez comme ça. T'es trop gentille, Eugénie. Merci. C'est trop touchant. 22h, minuit. Le best of sur Fun Radio. Merci beaucoup pour cette soirée. On va se retrouver dès demain sur Fun Radio pour déjà la dernière de la semaine. Dernier best of là, dès demain sur Fun Radio entre 22h et minuit. On va vous laisser avec Party Fun. On vous souhaite une belle nuit et à demain sur Fun Radio. Ciao tout le monde. Salut. Party Fun avec Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Minuit. Pendant les vacances, les meilleurs DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. WNW, Nicky Romero, Don Diablo, Bob Sinclair, Oliver Eldons, Riyab, Dead Mouse, Simi Trumpet, Jonas Blue, Lucas Enstey, Sonny James et Ryan Marciano, Nervo, Florian Picasso, WNW, Nicky Romero, Jonas Blue, Bob Sinclair, Oliver Eldons, Dead Mouse, Simi Trumpet, Sonny James, Florian Picasso, Jonas Blue, Bob Sinclair. Party. Fun. Et maintenant, Niels Van Zandt mix dans Party Fun sur Fun Radio. Hey guys, it's Niels Van Zandt and I just want to wish all Fun Radio listeners a Merry Christmas and a Happy New Year. And I will see you in 2019. Enjoy! Avec Party Fun sur Fun Radio. Niels Van Zandt en mix.